Enregistrement pour le 21 juillet de l'année 2022. Donc, ça va être une discussion en conscience avec Mona que vous pouvez voir à l'écran. Donc, bonsoir, Mauda, ça va bien? Oui, bonsoir, très bien. Excellent. On va bien aussi. Ouais, j'espère que les gens qui nous écoutent vont bien aussi. Et c'est David au micro qui salue tout le monde qui écouteront cette capsule audio. Donc, comme à l'habitude, on va aborder plusieurs sujets ce soir. Je veux notamment amener Mona, entre autres, à se prononcer sur la question de l'avortement qui a défrayé récemment la manchette, là, notamment là, par rapport aux États-Unis, où on a appris que la Cour suprême a légiféré à l'effet que le droit à l'avortement serait une question qui serait régie par les différents États, ce qui fait qu'au lieu que tout le monde ait accès à l'avortement, comme c'était le cas depuis environ 50 ans, eh bien, tout dépendant à quel État la personne appartient, c'est ce qui va déterminer si elle a le droit ou non avoir accès à l'avortement. C'est pas aussi noir et blanc que ça aux États-Unis, hein, David? Ben, c'est la raison pour laquelle je veux t'amener à te prononcer sur le sujet et apporter des nuances. Et juste avant de mentionner aux gens qui nous écoutent que tu es quelqu'un qui donne des cours de yoga et également de pilates thérapeutique. Et donc, c'est bien de rappeler, je pense, en commençant, le fait que même si on est l'été, en plein mois de juillet où il fait très chaud au Québec, tu continues et tu persévères là, dans l'enseignement, là. Oui, à 61 ans maintenant, j'ai eu 61 ans. Oui, donc bonne fête en retard de quelques jours. Merci. Et puis, pour les gens qui sont intéressés avec toi, soit faire du yoga et également du pilates thérapeutique, eh bien, comme à l'habitude, je vais laisser tes coordonnées là, en bas de la vidéo pour que les gens puissent entrer en contact avec toi, tout en leur rappelant que tu offres des services en présentiel. En offres-tu toujours en présentiel? Ouais, moi, j'ai jamais arrêté le présentiel depuis un an, j'ai recommencé. Puis Zoom, ben, c'est individuel souvent maintenant, si les gens sont loin. Étrangement, ben, pas étrangement, heureusement, j'ai des clients d'un peu partout. Alors, du Brésil, de la France, j'en ai une en Martinique, j'ai plein de gens un peu partout dans le monde. Alors, on Zoom. Oui, grâce à cette technologie qui te permet de t'adresser à des gens à l'international, donc un peu partout, entre autres dans la francophonie. Et puis, on peut mentionner aussi aux gens que tu fais également là, de la consultation en coaching d'individuation. Oui, c'est surtout de la psychologie évolutionnaire, de l'application de l'approche de Daniel Ménard qui découle de ce que Bernard de Montréal a descendu. Alors, c'est ça, psychologie évolutionnaire, mais c'est vraiment du cas par cas, puis pas trop souvent. Bon. Non, ça dépend des gens, je ne peux pas accompagner tout le monde. Oui, mais c'est sûr que la personne qui serait intéressée par ton service, bien, elle peut entrer en contact avec toi. Puis si le courant passe d'un côté et l'autre, bien, c'est sûr d'aller de l'avant avec une consultation, là, tout dépendant. Là, ouais. À passer à l'action, David. C'est pour ça que j'insiste, parce que je veux pas, je coach personne qui veut se plaindre. Ça marche pas. Si on est prêt à passer à l'action, d'accord. Oui. Ce qui est très pertinent comme remarque. C'est ça, la brève présentation par rapport à tes services est faite. On peut débuter à proprement dit. J'avais le goût, c'est sûr, pour commencer cette discussion dans le cadre de cet enregistrement, t'amener à parler de l'avortement. Parce que c'est un sujet gros qui aura fait surface récemment là, dans les médias. Et moi qui pensais que le débat était fini depuis belle lurette, mais non, ça s'est réactivé là, un peu partout là, au niveau internet. En tout cas, ça a fait réagir. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis récemment? Et moi, je t'ai intéressé à avoir ta perspective sur le sujet. J'ai fait, bon, il y a quelques jours, une capsule audio en solo où je commente le sujet. J'ai fait aussi un entretien avec Berthold par rapport au sujet. Et là, aujourd'hui, j'avais le goût d'avoir le point de vue, la perspective d'une femme sur le sujet. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux en parler avec toi. Taquiner, je sais pas si secrétaire d'État qui avait déclaré que les hommes devaient se fermer la bouche, puis pas parler de ça, ça les concernait pas. J'avais trouvé ça très drôle. Ben, en fait, moi, ma perspective sur le sujet, c'est que la principale personne concernée, c'est la femme. C'est elle qui porte l'enfant ou qui, à mon avis, dans ma perspective, c'est la femme qui devrait avoir le dernier mot ou avoir le droit de veto, tu sais, par rapport à ça, là. Droit de veto, certainement, c'est sûr. Dernier mot, je ne sais pas, on en reparlera, mais j'aimerais revenir sur aux États-Unis, ce n'est pas noir et blanc parce que j'entends ça aussi à travers les gens que je rencontre, qu'ils écoutent un peu trop TVA Média, là, parce qu'un exemple de ça, aux États-Unis, moi, je pense que ce qui a déclenché ce qu'on a vu, c'est que l'avortement, qui était jusqu'à présent assez accepté aux États-Unis, ça a changé beaucoup dans les derniers 10-15 ans. Parce que là, ça allait que de plus en plus, l'avortement, c'était de plus en plus tard. Hein? Je ne sais pas si vous êtes au courant, messieurs, dames, et même ici au Québec et au Canada, on peut maintenant avorter jusqu'à 8-9 mois. un petit problème moi-même avec ça, 8-9 mois, là, je ne sais plus. Alors, le problème, je pense qu'il est venu de là, qu'il y a eu énormément d'avortements. Tardif. Bref. Et puis, il semblerait même qu'il y a une loi qui veut passer l'avortement post-natal. Autrement dit, partent avec le bébé, mais on ne sait pas tout ce qu'ils font avec. De toute façon, on ne sait pas ce qu'ils font avec quand l'avortement arrive. Donc, moi, je pense que le débat aux États-Unis, je ne veux pas trop aller là-dedans parce que c'est le monde, mais la question se pose aussi au Canada puis au Québec parce qu'on avorte, puis j'en ai la preuve, je ne vous dis pas de quelque chose que je ne sais pas. Au Québec, maintenant, on avorte depuis un an des femmes de 8 et 9 mois. Moi, la question que je me pose, c'est quand c'est un fœtus, puis quand est-ce que ça devient un humain? Exact. Bernard de Montréal, dans le domaine de la conscience supramentale, tranchait la ligne entre les deux en disant que lorsque l'enfant va avoir son premier souffle qui sort du ventre de la mère et qu'une première respiration indépendante, et que c'est à ce moment-là que l'âme, si on part du principe que l'âme existe, serait figée dans l'enfant, alors qu'au préalable, l'âme pourrait tourner alentour de la mère, rentrer dans le corps de l'enfant et en ressortir. Fait que le moment où ce que l'identité de l'être humain prend tout son essor et qu'il y a une indépendance par rapport au lien symbiotique avec la mère, ça serait au moment où ce que l'enfant sort du corps biologique. C'est drôle parce que pendant que tu me parles de ça me dit l'âme s'incarne. Comment tu as dit ça? Parce que moi, j'entendais d'autres choses complètement dans le OK. propos. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que l'âme s'incarne pas, bang d'un coup dans le corps. Ben moi, ce que j'ai compris, entre autres de l'instruction supramentale qu'a véhiculée Bernard, c'est que le moment, c'est sûr, ça peut être sujet à discussion, puis je suis là pour en parler avec toi, c'est que le moment où ce que l'âme s'incarne de manière définitive à travers l'enfant, c'est quand que l'enfant va sortir du ventre de la mère puis il prend sa première respiration autonome. Ben, en tout cas, moi, j'en avais pas saisi la dimension comme ça parce que j'avais la perception que l'âme s'incarne, oui, mais ça prend 6 ans avant qu'elle prenne forme complètement, incluant la personnalité. Ben, Parce que moi, j'ai déjà vu parler avec Daniel OK. Ménard aussi là-dessus, puis ça prenait à peu près 5, on voit ça chez les enfants d'ailleurs, 5-6 ans pour que tout s'intègre, s'incarne, donc l'âme puis la Ben, personnalité. c'est-à-dire qu'après la naissance du corps biologique de l'enfant qui prend sa première respiration autonome, il va avoir d'autres descentes d'énergie puis de l'intégration, ça c'est sûr. Mais le noyau de base individuel, moi ce que j'en avais une compréhension, c'était au moment de la naissance de l'enfant, là. Ouais. Bon, rendu là, ça devient assez difficile parce que moi, j'ai pas de preuve que l'âme existe vraiment, même si on le sait que ça existe. Mais moi, je voulais pas amener le débat là OK. en passant. Si on reste juste sur la mécanique des mains qui bougent, un cœur qui bat, puis un petit poumon qui se développe, puis je sais pas quoi d'autre, le cerveau, je parlais du fœtus versus un humain. Bon, un humain avec un âme, un humain pas d'âme, ça, c'est un autre débat là, mais pour moi, du moment où le cœur commence à battre de l'enfant, puis que tu passes une échographie, puis tu vois que l'enfant est formé, pour moi, il y a un humain là, avec ou sans âme. Alors, la question se pose, c'est rendu là, tu sais, c'est en général les avortements, moi j'en ai eu des avortements en passant, puis ça me dérange pas de leur parler, j'ai aucune culpabilité, mais ça se faisait avant 15-16 semaines dans mon époque. Pas à 28 semaines, 2, 3, 32 semaines, 40 semaines, c'était même pas possible. Bon, là, vous allez me dire, il y a eu évolution. Est-ce que c'est une évolution? C'est ça la question. Puis c'est un débat à ouvrir. Moi, je veux pas de réponse. Moi, ma perception, c'est que ça s'arrêterait au moment. C'est moi, Mona. Si on me dit le petit bébé, il y a un petit bébé qui a du cœur bas, puis il est pas mal développé, bien, j'accoucherai, puis je le donnerai plus tard. Ça, c'est ça ma position. Mais la question doit être débattue pareil. C'est où que ça s'arrête un fœtus versus un humain? Là, vous allez me dire, bien, un humain, c'est connecté à un homme automatiquement. Peut-être, ça. Rendu là, je ne sais pas quoi dire parce que on ne peut pas légiférer un homme présentement sur la planète. Il n'y a pas de loi là-dessus. On connaît même, on sait que ça existe, mais il n'y en a personne qui en a vu vraiment ou à peu près personne. Moi, je n'ai jamais vu un homme me promener dans la face, là. Je blague, les amis, en passant. Non, non, mais je comprends. Mais il y en a qui ils vont percevoir des entités, des formes lumineuses. Oui? Oui, c'est ça. Mais ça reste dans l'occulte, puis Oui. on n'a pas les instruments pour mesurer ça encore. Fait que c'est dur de prendre position face à ça. Mais est-ce qu'on va les avoir un jour, les instruments, pour percevoir de la réalité occulte, dans le sens que, à mon avis, ça va être la personne qui va avoir une conscience vibratoire, qui va percevoir les réalités. Et qu'on n'aura jamais un support technique qui va nous permettre les appréhender totalement dans leur multidimensionnalité. Moi, je pas ça que je perçois. Je perçois que les OK. outils vont se développer. On va être capable de percevoir l'énergie vitale, mais techniquement, le corps vital qui entoure le corps physique. Moi, je pense que les technologies vont, en tout cas, c'est du moins ce que je pense, mais ça, on va pas avoir. T'sais, ça reste Mais non, non, mais t'as pas tort. Pendant que tu le parles, ce qui m'est venu en tête, c'est qu'on a des technologies qui perçoivent, c'est sûr, des choses que nos sens perçoivent pas. Si on pense, entre autres, au signal qui provient d'un téléphone cellulaire ou un signal de radio, bon, mais nos technologies le perçoivent, mais nous autres, on le voit pas, le signal, avec nos yeux physiques, là, tu sais. ça. Donc, oui, il part des technologies qui perçoivent certaines réalités subtiles. Ça va Oui. venir, ça va pas prendre 2 semaines, ça sera pas l'année prochaine, là. Mais je crois que la technologie peut devenir extrêmement intéressante, puis beaucoup plus. On sait, on est des bébés de l'univers, je sais pas comment dire ça, mais on n'est pas à maturité comme race, on est dans le début de l'évolution de notre race, puis on a encore 4, 5 000 ans, 6 000 ans, peut-être à vivre de développement. Avant de passer à autre chose, peut-être comme race. Donc, pour moi, entre maintenant puis tout ça, il y a sûrement des possibilités de développer des technologies pour. Parce que je me souviens que Bernard, il disait qu'un jour, on va guérir la maladie mentale. Tu sais, ce qu'on n'est pas capable de faire présentement, à part les bourrées de pilules, là, tu sais. C'est ça, mais en fait, mon propos, ce que je voulais dire, c'est que ultimement, ça va être l'individu, sa propre technologie, dans le sens que c'est sa conscience qui va l'amener à commander à la matière sans utiliser une technologie ou une technique comme béquille pour compenser un manque de capacité. Ah, mais ça, c'est encore plus loin que la technologie, Oui, je pense. exactement, là. Plus loin, là. Exactement, mais pour en revenir à la question de l'avortement, donc qui aurait fait surface dans l'actualité récemment. Moi, ce que je voulais t'entendre, c'était ta vision, à savoir est-ce que par rapport à l'avortement qu'on prenait pour acquis jusqu'à tout récemment aux États-Unis, est-ce que pour toi, le droit à l'avortement, c'est quelque chose que toutes les femmes devraient avoir accès ou ça devrait être limité au premier trimestre, les 3 premiers mois, parce qu'après ça, le fœtus est plus constitué? Comment tu vois ça? Moi, je ne pense pas comme ça en partant. Fait que très difficile de répondre à ta question. Je vais te répondre, je m'en calisse de ce qui se passe aux États-Unis. Oui, mais c'est quand même nos voisins du Non, Sud. Je veux dire, ils ont quand mais même un impact, là. Je veux dire, c'est une des plus grandes superpuissances avec la Russie puis la Chine, là. Donc, qu'est-ce qui se passe chez eux? Ont une incidence. pas de nos affaires. C'est ça que j'essaie de te dire, David. Je comprends. Mais ce n'est pas de mes affaires de penser ce que pensent les Américains. Je vais me ramener ici. Moi, je suis d'accord que l'avortement doit être accessible, puis je pense qu'il y a une date limite pour définir entre on avorte ou on fait un meurtre. That's it. C'est simple, hein? Puis, pour ce Parce qui est que de pour moi, un avortement à 8 mois, c'est un meurtre. Si vous voulez OK. que je dise ce que je pense, OK. pour moi, c'est un meurtre, homicide involontaire. Parce que les gens sont ignorants, c'est pas méchant. Mais il reste que ça, c'est ma position. Puis je l'ai vu chez une amie qui est allée se faire avorter sa fille aux États-Unis il y a 3 ans, qui avait 8 mois et demi de grossesse. Puis j'ai eu à me poser la question, puis sur le coup, j'ai vraiment été très en colère. Sur le coup, j'ai fait, ben voyons donc, tabarnak. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un meurtre? Je ne l'ai pas dit à mon ami. Là. Ce que je lui dis là, c'est ce que moi, ça a pensé au moment où c'est arrivé. Alors, je suis restée sur cette position-là quelque part, mais je ne suis pas morale comme personne. Donc, je ne suis pas le premier meurtre sur la planète, puis ce ne sera pas le dernier non plus. Mais ça s'appelle la planète expérience. Hein? Alors, on expérimente le meurtre comme toutes sortes de formes. Puis, ça a sa fonctionnalité dans tout ça. Mais pour moi, c'est un arrêt d'une vie. C'est un meurtre. OK, ben, je suis content que tu t'exprimes avec aussi de clarté sur le sujet, parce que c'est une question qui fait débat. Il y a des gens qui vont dire, ben là, dépasser le premier 3 mois, le premier trimestre, le bébé est suffisamment constitué pour faire en sorte que ça se rapproche plus du meurtre. Il y en a d'autres qui vont dire, non, la personne doit avoir le droit là, jusqu'à la dernière minute d'avorter. Moi, dans le fond, pourquoi je parle entre autres du sujet, ben c'est parce que ma compagne est enceinte, mais nous autres, on va avoir l'enfant, là, tu sais, c'est pas une question d'avortement, mais la question m'interpelle dans le sens que il y a quelques jours, j'ai été voir l'échographie, en fait, ben quelques jours, là, ça fait un peu plus d'un mois par rapport à l'enfant, puis après le premier 3 mois, à la première échographie, bon, ben, on peut entendre le cœur, on peut voir le fœtus, on voit sa tête, on voit les membres. Donc, tu sais, on voit que le bébé, est quand même formé, là. Ah, c'est 12 semaines. Ouais, exact. Moi, j'ai vu une échographie quand je me suis fait avorter la deuxième fois à 16 semaines. C'est encore plus développé, pas mal. Puis c'était encore pour moi confortable. OK. Fait que ça, c'est sûr que ça va être une question. Moi, je laisse l'accès à l'avortement aux gens, puis je ne passerai pas une loi anti-avortement. Je ne serais pas d'accord pour empêcher les femmes de se faire avorter s'ils veulent se faire avorter. X temps, peu importe le nombre de mois, si on sort de la moralité. Ce que je ferais, par exemple, ce serait peut-être de proposer à une femme qui est enceinte depuis 7 mois puis veut se faire avorter, bien, je pense qu'il devrait y avoir un programme qu'on offre à offrir autre chose que juste l'avortement, c'est ça que je veux dire. Si, mettons, il y a un programme qui dit, madame, on va vous accompagner jusqu'à l'accouchement, on va vous aider financièrement s'il y a lieu, on va ensuite prendre l'enfant puis le mettre en adoption. Et vous accoucherez. Puis on va vous accompagner jusqu'au bout. Ça peut être une option qu'on pourrait offrir aux femmes aussi, tu sais. Qu'on n'offre Certainement. pas présentement du tout, du tout. Puis on veut juste dire, OK, on avorte. Mais si la personne veut se faire avorter, à 8, à 6 mois, c'est moi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai pas à m'ingérer là-dedans pour moi. Il faut qu'on éduque le monde, mais comme on n'est pas capable, on n'a pas eu de débat, on ne sait pas si c'est la vie, c'est pas la vie, c'est-tu humain, c'est-tu vivant, ça s'arrête où, ça commence où. Il faudrait commencer par avoir un débat avec des scientifiques qui nous expliquent un peu comment ça marche, cette affaire-là, puis d'informer les gens. À partir de là, on peut se faire une idée si. Mais pour moi, je l'ai dit, c'est un meurtre passé un certain temps. Six mois, c'est limite pas mal. Pour moi, là, 6 mois, c'est là. Tu sais, je vois des femmes enceintes de 6 mois. Si tu peux accoucher d'un bébé à 6-7 mois, puis il survit à 7 mois, il survit. Ouais. Le bébé est prématuré, qu'on appelle. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, j'ai un peu de fatigue, mais ça va passer avec le fait de parler, ça énergise. Oui. Mais c'est ça, on accouche prématurément à 6 mois. Je crois qu'à. Je n'ai pas vérifié les semaines, mais on peut facilement, à 7 mois, ça c'est facile, même à 6 mois et demi, 6 mois sont capables des fois de faire survivre l'enfant à un accouchement prématuré. Alors, comment on peut justifier qu'à 8 mois, ce n'est pas un meurtre? Si le bébé est viable à 6 mois, 7 mois, dans un incubateur et tous les soins nécessaires. Mais il reste quand même qu'il vit, ce bébé-là, puis l'âme est passée où? Je ne sais pas. Non, non, Excusez-moi, mais. mais je blague. Non, mais c'est ça, mais c'est une bonne question quand même, là. En effet, c'est des enfants prématurés. C'est sûr, ça prend un support technique parce que souvent, tu sais, ils vont être branchés pour l'oxygène ou tu sais, il va y avoir des trucs, là. Ouais, j'en ai vu des petits bébés prématurés, c'est tellement petit, c'est pas plus. C'est un livre. Une livre, c'est combien de grammes, les amis? Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. Ah, je sais pas, je suis pas bon au calcul mental. Non plus. Puis je sais même pas comment transférer les livres en Mais soi. peu importe, en fait, moi, Dans la main d'une dans ma Ouais. main à 6 mois. Ça rentre dans ma main. Sinon, moi, de ma perspective, mon point de vue, c'est que la décision de l'avortement, C'est sûr, ça, mettons, l'homme, il veut avoir l'enfant, puis la femme, elle veut pas, puis avorter. Ben, à mon avis, la décision de la femme doit avoir préséance sur celle de l'individu masculin, parce que c'est elle qui Pourquoi? porte l'enfant. Pourquoi c'est elle qui devrait décider? Ah, parce qu'elle le porte, OK. Oui, parce que c'est son corps biologique. De la femme est plus grande que l'homme, c'est ça? Ben, moi, la façon que je le vois, c'est comme ça. C'est débattable, mais oui. Mais je ne sais pas, ça me gosse. OK. Ça me, je sais que c'est ça qu'on pense, puis que la femme. Ne, mais moi, je commence à être un peu fatiguée du culte de la femme, là. Un peu tannée. Les femmes prennent des décisions aujourd'hui qui sont touchées, là. Moi, je ne suis pas d'accord que le gars n'a pas un mot à dire là-dedans. Excusez-moi, mais encore jusqu'à présent, là, ça prend un sperme, un ovule, puis deux personnes qui font ça pour faire des petits bébés. C'est ça, ben, à mon avis, l'homme peut donner Pourquoi l'homme son... devrait être exclu de la décision suivante sous prétexte que la madame déforme son corps? Ben, Je moi, la pense. façon que je le voyais, c'est que l'individu masculin peut donner son avis, mais ultimement, c'est la femme, vu qu'elle porte l'enfant, qui a comme son droit de veto la décision finale, là. OK. Mettons que la. OK. Allons-y. Le gars veut garder l'enfant, la femme veut avorter, on n'en veut pas. Mettons que moi, je suis un gars. Je dis OK, si tu veux pas, accouche-le, je vais le garder, moi. Je te demande rien, je vais partir avec le petit bébé, je m'en occupe. Ouais, tu soulèves un bon point. Ouais. Non, je vais me faire avorter des câlisses? Je ne sais pas. Mais c'est parce C'est tout. que, ouais, c'est ça, parce qu'en même temps, la femme, elle peut être sceptique en disant, ah, ben, tu me dis ça, mais j'ai l'impression que je vais me faire avoir ou que tu vas me poursuivre ou voir ci, voir Ah, voir ça. tu signes un papier, je laisse mon enfant à son père. Je n'ai aucune responsabilité. Terminé. Mais l'inverse, là, je ris parce que par an, ça me dit, moi, mais ça arrive pas souvent qu'un gars va dire ça. Ben, c'est peut-être réel aussi, là. C'est plus les femmes, parce que j'ai souvent plus vu les femmes se retrouver toutes seules avec des bébés que l'inverse. Puis j'ai souvent entendu plus parler de comme tu le dis, là, des hommes qui désertent les femmes que le contraire, là. Donc, ouais. C'est peut-être là où la femme doit prendre la dernière partie, la décision finale parce que l'homme, présentement, le petit H, manque de maturité un peu. Alors, ça me rappelle une anecdote, ça vous, je te raconte une petite Ben oui. anecdote court, justement sur la garde des enfants. J'avais une amie qui était séparée de son conjoint. Elle avait une petite fille qui avait à peu près, ils ont eu une petite fille, pardon, de 4-5 ans à peu près à l'époque quand ils se sont séparés, divorcés. Mais lui, il veut rien savoir de payer une pension alimentaire à son enfant parce qu'il est en colère contre cette femme-là qui l'a divorcée, en fait. Fait que pour y régler son compte, ben, il ne paye pas de pension, puis il disparaît dans la nature. Puis ben, finalement, mon ami, elle s'en va. Ils ont essayé d'aller faire aux retraites du salaire. Il s'est mis à plus travailler. Il y a toutes sortes d'affaires qui s'est passées. Finalement, elle est allée en cour pour. Je ne me souviens plus c'était quoi, essayer d'avoir une garde partagée avec lui, puis une pension alimentaire pour l'enfant. Et devant le juge, lui, il refuse de prendre sa responsabilité. Alors le juge, il dit, ben là, madame, il dit, je ne peux pas faire plus, je ne peux quand même pas le forcer à être un père. Écoutez bien la réponse d'une femme allumée. Elle dit, ah, bon, OK, vous ne pouvez pas l'obliger à prendre ses responsabilités. Alors moi non plus. Si je décide de sacrer mon enfant là, vous faites quoi? Le juge, il a perdu son dentier, là. Elle dit, ben, c'est ça que je vais faire, fait que je vais abandonner mon enfant comme lui. Elle dit, vous allez faire quoi, monsieur le juge? À qui ça va, là? Ben, il ne savait plus quoi dire. Il a pas dit que l'enfant irait en adoption, puis c'est la DPJ qui en aurait la garde. Ben, probablement, c'est ça qui serait arrivé, mais c'est pas ça la question de fondement, c'est. Je peux pas l'obliger à être un père. Ben, tu peux pas m'obliger à être une mère non plus. Ben c'est ça, pour que ça soit équitable, faut que ça aille dans les deux sens. C'est ça. J'ai trouvé brillante de répondre ça. Finalement, le juge, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à amener le monsieur finit par payer sa pension à l'enfant, puis ça a pris du temps, mais il a obligé le père à prendre du temps pour réfléchir, parce qu'il dit, cette femme-là amène un point très intéressant, puis vous manquez de maturité, monsieur. L'argent que vous donnez à cette femme-là, c'est pas pour elle, elle a un salaire déjà, puis elle n'a pas besoin de votre argent pour ça, elle en a besoin pour éduquer son enfant que vous avez fait ensemble, pour payer le meilleur à sa fille, à votre fille. Il est parti, puis il a réfléchi, c'est pas nécessairement un imbécile, il était très, très... Il y a beaucoup d'hommes qui sont très frustrés quand les femmes les laissent, puis ils veulent plus rien savoir. Puis avec le temps, ils décantent un peu, puis ils réalisent que moi, la femme, c'est une chose, mais mon enfant demeure le lien que j'ai. Je serai toujours un père ou une mère, tu sais. Alors, bref, ça s'était réglé drôlement, cette histoire. Puis ça fait à peu près 15 ans de ça, minimum. Non, c'est bien correct. Donc, je sais pas si ça répond à la question de l'avortement, mais c'est un sujet délicat. Puis quand je parle de même, la plupart des gens viennent en beau tabarnak. Ben, c'est pas mon cas. Non, mais j'en ai parlé dans mon studio des fois, là, puis là, les filles, ben voyons là! OK. Ça veut même pas débattre. J'ai dit, essayons juste de débattre, de parler d'où. Non! Il n'est pas question, c'est notre droit. OK, c'est beau, les droits de la planète. Ah oh boy, les gens ont bien des droits, mais ils n'ont pas beaucoup de responsabilités, je trouve. Oh, on vit dans une société où les gens ont plein de droits, mais ils n'ont plus ben une responsabilité. Alors, il y a un problème. Oui, C'est ben c'est sûr. Mais vraiment. pour moi, le phénomène de la question de l'avortement, un peu comme le phénomène de la famine dans le monde, c'est typiquement évolutif, dans le sens que c'est en relation avec l'inconscience de l'humanité, parce que si on était conscient, ben il n'y aurait pas de femmes qui tomberaient enceintes, alors qu'en réalité, ils veulent pas d'enfants, tu sais. Non, puis encore aujourd'hui, puis oui, je suis d'accord avec toi. Puis aujourd'hui, là, soyons quand même assez clairs, là, il y a 35 ans, j'avais peut-être pas autant d'options sur la contraception. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de contraception disponible pour tomber enceinte, là, pour vouloir en maudit tomber enceinte, puis être. Si tu veux pas d'enfant, c'est ça la déresponsabilisation. Comment tu peux aujourd'hui te retrouver à. Bon, ça peut arriver, un accident, ça arrive, mais. De façon générale, les contraceptions d'aujourd'hui sont extrêmement intéressantes. Le seul point que j'apporterais, c'est que j'ai hâte d'avoir des contraceptions pour l'homme. Là, vous allez me dire, ben non, les hommes sont responsables. C'est ça le problème, ils sont pas responsables. Non, mais je veux dire, il y en a, si on pense aux condoms que les hommes peuvent Pas porter. fini, David. Pourquoi la contraception, c'est une affaire de femme? Expliquez-moi ça. La seule chose qui existe pour les hommes, c'est les condoms. Ben, il y a la vasectomie aussi. De fonctionner, je sais pas, moi. Non, mais je veux dire, il y a la vasectomie aussi. Ouais, tu essaieras de faire une vasectomie partielle à un homme. Et tu parles de ses testicules, c'est pire que son cerveau. Arrêtez-moi. Ben, ça dépend, là, tu sais, je veux dire, il y en a qui... Parle pas de toi, David, parle du monde ordinaire. Je l'ai parlé, je sais de quoi je parle. Quand je parle de vasectomie au gars, ben oui, on a moi. Il y a un gars avec qui je voulais pas d'enfant. Qui a eu deux enfants, puis a fini par se faire une vasectomie, mais ça faisait déjà 2 ans que je disais qu'à cet âge, ben là, écoute bien, il s'en est fait faire un deuxième dans le dos, puis a fini par y aller. La vasectomie chez l'homme, ben, tu devrais en parler aux hommes, parce qu'ils ont ben, ils ont peur, David, ils ont peur de ne plus être capable de fonctionner, comme si la vasectomie, ils rectaient plus. Mais ce n'est pas la même affaire, là, que tu as beau les expliquer. Ah, mais ça fait mal! Ben oui, ça dure 3 jours, petit bleu, c'est couilles, hein? C'est pas la fin du monde. Mais les hommes ne veulent pas la contraception. Je suis désolée, moi, ce que je vois, c'est ça. C'est une responsabilité féminine qui est sur le dos des femmes depuis très longtemps, des milliers d'années. C'est nous qui portons, les femmes, la moralité de la planète sur nos épaules. mais bon, c'est sûr que pour ce qui est de la question de la contraception, à mon avis, ça devrait être plus équitable entre les deux sexes, ça, c'est sûr. Qu'il y ait autant d'options d'hommes et de femmes pour que le couple décide de ce qu'ils veulent. C'est ça, Ben, Jésus. c'est ça. Moi, la perspective que j'ai par rapport à la naissance, normalement, ça devrait être un choix volontairement conscient et libre des deux partenaires d'avoir un enfant. À fait. Et s'il y a une chose, ça, c'est une chose intéressante qu'on vient de toucher parce qu'il y a beaucoup de femmes qui. Comment dirais-je? J'ai la misère à le dire, on dirait que ça veut me censurer. Je check. J'ai deux garçons que j'ai éduqués, puis je les éduquais dans le sens en leur disant, là, quand ils ont commencé à avoir des relations sexuelles, ou en tout cas l'attirance pour la question, j'ai commencé à leur dire parler de contraception, puis de la responsabilité qu'ils avaient aussi, eux, en tant que garçons, aujourd'hui hommes, d'assumer leur sexualité, puis de définir, si tu veux pas d'enfant, arrange-toi pour te protéger, toi, l'homme. Parce qu'une femme, là, elle peut décider n'importe quand de te faire un enfant, quand elle veut, sans te le dire. Ça, j'ai vu ça beaucoup dans ma vie. Peut-être moi, aujourd'hui, je sais pas. Mais j'ai vu tellement d'hommes avoir des enfants, pas désirer, pas parler. Tu le dis, là, faut que ça soit. Pour moi, c'est une décision commune. On le parle, on dit oui tous les deux. On fait un petit enfant. OK. Mais tu peux pas décider entre. Puis ça, les femmes se donnent ce droit-là, ça me gosse, de pas dire aux gars ce qu'ils font, puis d'y annoncer je suis enceinte. Hey. Hey, moi, si j'étais un homme, j'aurais arrangé avec tes drôles, chérie. Ça s'arrêterait là. Ben, c'est ça. C'est parce que là, il y a toutes sortes de choses. Ben, c'est ça, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire que si la femme veut un enfant, puis elle sait que le gars veut pas, mais elle insiste pour en avoir un pareil, puis elle dit qu'elle utilise un moyen de contraception alors que c'est pas vrai. Ben là, c'est arrivé, mon ami des deux enfants. Ben, c'est ça, c'est parce que. Mais c'était clair qu'il n'en voulait pas, David. De quel droit il en a fait un dans le dos? De quel droit? Elle n'est pas partie à la course et dire je me fais un bébé puis je m'en vais parce que tu n'en veux pas. Assume-toi, tu en veux un. Tu prends le bébé puis après tu dis mais je t'enseigne mais je vais m'en aller parce que tu n'en veux pas. OK. C'est pas ça qui arrive, là. C'est faire un bébé dans le dos d'un gars, ça. Non, non, ben c'est hypocrite puis c'est pas un consentement libre et éclairé que la personne a eu réellement du partenaire. C'est ça. Mais il y a des femmes qui font ça. Il n'y a pas rien que des hommes qui sont bizarres dans la vie. Les femmes font des choses aussi bizarres. Ah, ben peu importe le sexe, même des non-binaires, là, dans le sens qu'aujourd'hui, on est rendu à une époque où l'astral et où l'inconscience humaine est très présente. Là, le sujet qu'on parle de l'avortement, probablement que si on serait dans une société consciente ou peut-être dans 2500 ans, on ne parlerait pas de ça. On verrait ça comme un sujet archaïque. Ouais. Mais là, on va rester. Oui, oui, tout à fait. Exactement, là, tu sais, c'est une question de développement dans le sens que aujourd'hui on ne fait pas un enregistrement sur l'accès à l'eau potable au Québec parce que c'est un problème qui est réglé. Mais probablement que la question de l'avortement en relation avec des gens qui ont des enfants avec une certaine inconscience, ben éventuellement, quand la matière va être commandée par la volonté, ben c'est la femme et les deux partenaires qui vont décider au niveau psychique d'avoir un enfant ou pas. C'est ça. Mais là, on est tellement loin dans le temps que, oui, je pense qu'à un moment donné, ça va se faire d'une autre façon complètement, tout ça, puis on va évoluer, mais quoi que, je sais pas. Ces temps-ci, je trouve que la planète tourne carré pas mal. Fait que... Ben, justement, je voulais discuter aussi avec toi, là, de ta vision de l'actualité internationale, l'actualité planétaire. Parce qu'il se passe plein de choses présentement. On est toujours aux prises avec la guerre en Ukraine. Donc. Je ne sais pas si j'ai le goût de parler de ça, parce que c'est tellement complexe que ça demande. C'est très complexe ce qui se passe sur la planète, mais pour moi, moi, ça ne m'inquiète pas. Je ne sais pas si les gens. Je vais y aller juste sur comment je le vis, mais non pas ce que j'en pense intellectuellement ou à travers toutes mes recherches, là. Mais ce que je pourrais dire, c'est que je me suis jamais sentie menacée depuis le début. Individuellement, je me sens protégée, pas menacée. Je sais que ce qui s'en vient, je sais pas si les gens ont envie d'entendre ça, je pense pas, mais je l'avais dit il y a 2 ans et je le répète, ça va brasser. Mais je pense pas que c'est pour le pire, mais pour moi, ça va être comme une tempête pour sortir, changer quelque chose qui est tellement important à modifier. Tout ce qu'on voit présentement de corruption, parce qu'on se rend compte, je pense que les gens ont peut-être commencé à réaliser à quel point c'est corrompu sur la planète. On le voyait pas, ça. On savait qu'il y avait de la corruption, mais je suis pas sûre qu'on savait qu'il y avait autant de corruption. Tu sais, les banques centrales, là, c'est une magouille phénoménale, les banques commerciales, tout c'est... Ça fait 400 ans que les familles riches qui possèdent des banques essaient de prendre le contrôle de l'argent parce qu'ils savent que quand ils vont contrôler l'argent de la planète, ils vont faire ce qu'ils veulent. Puis nous sommes des insectes. En passant, ils vont nous en faire manger parce qu'ils pensent qu'on en est. Hein. Excusez-moi, mais c'est pas, j'ai vu Nicole Kidman avec une publicité en train de manger des insectes. Des grillons. Oui, oui, bien là, c'est sûr, le Forum économique mondial avec l'agenda 2030, c'est de répandre l'idée puis de créer le consentement social en utilisant, entre autres, des vedettes, que ce soit Nicole Kidman, je pense qu'il y a Angelina Jolie aussi, pour amener les gens de la population à manger des insectes et que ça devienne une nouvelle normalité. Moi, là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a sincèrement des gens qui veulent bien faire parce que d'un point de vue purement comptable, quand on regarde la quantité de végétaux qui est nécessaire pour produire, par exemple, une livre de viande, puis d'eau aussi potable, C'est phénoménal, dans le sens que si pour produire une livre de viande, ça te prend, je sais pas, 12 livres ou 50 livres. Comment? Je blague, j'ai une livre de viande, 3 tonnes de soya à produire. Je blague, là, mais c'est pas ça, mais c'est un ratio important, Un là. ratio important dans le sens qu'une perte d'énergie, parce que si on mangerait directement les végétaux, une livre de végétaux qu'on mange directement, au lieu que ça soit utilisé par un animal qui va bouger, qui va faire ses besoins, puis finalement, là, désolé pour les gens qui nous écoutent, là, j'ai pas la quantité précise, mais est très importante, c'est au moins 10 fois plus, là. Mais de toute façon, pour moi, je vais te poser une question aux gens. Je pose une question à David, mais ça s'adresse à tout le monde. Ça m'est flashé l'autre fois, puis j'ai fait, oh boy. Moi, je considère qu'on vient de découvrir qu'on se fait mentir et manipuler depuis très longtemps, mais particulièrement dans les derniers 20 ans, là. Ils nous mentent, ils nous manipulent, ils nous cachent l'information. Ils nous créent des problèmes, ils nous règlent les problèmes, puis ils font tout ce qu'ils veulent. OK? On est d'accord un peu sur la base? OK. Maintenant, qu'est-ce qui me dit qu'on est vraiment 8,5 milliards? C'est qui dit ça? C'est toujours la même crise de gang. Est-ce qu'ils nous auraient peut-être menti? Peut-être. Qu'est-ce que t'en sais? Qui peut me dire exactement qui on est, sur combien on est sur la planète, sans avoir affaire à aller chercher les données à ces TC que j'appelle. Je vais juste dire TC parce que ça veut dire trou de cul, OK? TC là, les riches de la planète. C'est eux autres qui nous donnent encore l'information. Ah, mais c'est drôle, je ne les crois plus, moi. Pas plus que je les crois qu'il y a une pénurie. Ben oui, il y a une pénurie alimentaire parce qu'ils l'ont provoquée. Mais pas plus que je crois qu'on est trop nombreux pour nourrir la planète. Pas plus que je crois qu'on est en train de crever demain matin parce qu'on pollue trop la planète avec le plan vert. On a vu ce qui se passe au Sri Lanka. Bravo le plan vert, il y en a la moitié, ils vont crever. Bien, attends une minute. Juste pour nous mettre comme fond en contexte, puis pour que les gens qui nous écoutent soient capables de te suivre, parce qu'on n'entend pas parler de ça à TVA ni à Radio-Canada, peux-tu nous dire qu'est-ce qui se passe présentement au Sri Lanka? Est-ce que je m'adresse à des gens qui écoutent Radio-Canada puis TVA, moi, là? C'est un petit aparté que je fais. Je m'adresse à du monde conscient, en principe. Oui, mais moi-même, parce que j'ai écouté Alexis Cossette-Trudel, mais je veux dire, qui en parle, mais je veux dire, c'est pas une information qui est facile d'accès. C'est ça que je voulais dire aussi, là. L'information de quoi? De 8,8 milliards sur la planète? C'est quelle? De quoi? Non, non, mais le Sri Lanka, qu'est-ce qui se passe? Parce Ah, que. OK. Mais on y reviendra au Sri Lanka parce que c'est un aparté, un petit truc que je reviendrai. Mais la question se demeure. Qui nous donne les informations qu'on répète comme des perroquets? C'est toujours la même gang. Puis on vient de découvrir qu'ils nous mentent comme des cochons. Ben moi, je suis désolée, je ne les crois plus sur aucune ligne. À rien. Quand ils nous disent qu'on la planète est. Oui, on pollue la planète, mais moi, j'ai appris des affaires sur la planète qu'on nous dit pas. Entre autres, le Sri Lanka, là, je vous dis, le Sri Lanka, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais il y a eu un changement, il y a eu ils ont carrément eu une révolution du peuple qui est allée s'installer au Parlement, puis ils ont fait démissionner le premier ministre. Il en avait ras le cul de son plan vert, parce qu'ils ont appliqué le plan vert au Sri Lanka. C'est le premier pays qui l'ont appliqué il y a à peu près, je ne sais pas combien d'années, ça passe peut-être 10-15 ans. 10 ans, je ne sais pas. Mais conséquence du plan vert, 50, ils ont coupé, mettons, tout ce qui pouvait polluer pas polluer, mais empêcher les récoltes, donc avec des produits, comment on appelle ça, des épandages. Ils Moi, ont ce que coupé j'avais tout ça. compris, c'est qu'il y avait réduit drastiquement les pesticides. Mais pas juste les pesticides, ils ont OK. réduit plein de choses dans tout ça pour qu'en bout de ligne, il faudrait aller Ben, voir dans. l'engrais, là, de ce que je comprenais, parce que l'engrais, ça comporte des gaz à effet de serre. Donc, en utilisant moins, ce qui a diminué les rendements, ce qui nuit ensuite à des agriculteurs, là, pour la production, ce qui les a appauvris. Ben, appauvris, ils ont 50% moins de récolte. 50% moins de récolte, les amis. Allô, la Terre? Puis là, ils veulent appliquer ça partout dans le monde. Fait que devinez ce qui va arriver. On va rester 500 millions au bout de ligne. Bien, ça, c'est un autre sujet que je voulais te parler, là, c'est-à-dire la destruction des Georgia Guidestones qui a eu cours le 6 juillet 2022, qui disait dans les différents commandements qui étaient présents, un peu comme les tables de Moïse, il y en a un des commandements, c'était de réduire la population mondiale à 500 millions. C'est le premier commandement sur ces sols. Les pierres de Georgie, là. Oui, mais moi, ça m'intéresse pas trop de parler de ça parce que c'est dans le plan 2030, c'est écrit. Bill Gates en a parlé publiquement qu'il fallait réduire la population mondiale. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir les comment ça s'appelle, Stone, là? Les Georgia Guidestones, là, c'est dans l'État de Georgia. En Géorgie, je sais de Oui, quoi tu parles, mais je ne les me rappelle pierres de plus. Géorgie. Merci. Ça, c'est juste exactement ce que Schwab parle. Ça fait des années qu'on parle, ils ont comme écrit ça, parce qu'ils sont obligés de le parler ou d'écrire ce qu'ils veulent faire pour le faire, hein. Exactement, mais ça fait longtemps que ça se parle parce que ça avait été créé en 1980 en Géorgie, puis les pierres étaient écrites dans plusieurs langues, il y avait l'anglais, l'espagnol, le russe, ainsi de suite. Et ce qui est arrivé récemment, ça a été leur destruction. Au début, j'étais un peu sceptique quand les gens me parlaient de ça, mais ils en ont parlé dans le Figaro, même TVA. J'ai même tombé un article de TVA qui en parle. Mais le Figaro, TVA, c'est pas mal le même genre, là, mais je veux pas trop parler de ça parce que c'est difficile. Du côté des patriotes, c'est un false flag. Autrement dit, c'est le Deep State qui l'a abattu. Puis en passant, c'est pas une explosion parce qu'il n'y en a rien qu'un qui est tombé. Puis il semblerait que c'est une attaque au laser. Fait qu'il est trop tôt pour avoir de l'information sur la chose, là, mais personnellement, je trouve ça c'est du divertissement pour moi, ça. C'est divertir la population, c'est changer la. Ils veulent pas qu'on les regarde et qu'on les voit ce qui se passe aux États-Unis. Fait que c'est comme une façon de détourner l'attention des gens. Oui, ben, je ne voulais pas nécessairement Un passer toute comportement. l'émission là-dessus, mais ce que je trouvais particulier par rapport à ça, c'est que ça soulevait la question, parce qu'il parlait de réduire la population dans les pierres de Géorgie, puis c'était l'élément le plus controversé là, par rapport à l'agenda qui est présenté. Ça soulevait la question à savoir, est-ce que la planète est surpeuplée? Ben oui, mais moi, avant que je dise que la population mondiale est trop élevée, il va falloir qu'on me sorte d'autres données que ceux qui nous viennent d'eux autres. Je les crois plus, c'est ça, je vous dis. Pourquoi ils mentiraient pas là-dessus, puis ils mentiraient sur tout le reste? Excusez-moi, c'est une question de logique, de cohérence. J'ai pas besoin d'être sur le contact, présupramental, pour comprendre ça, là. Je veux dire, à un moment donné, on réalise qu'ils nous ont menti. Ils sont en train d'effondrer l'économie mondiale, de rendre le monde. Vous avez pas idée de ce qui s'en vient. Ça va être terrible. La bourse va s'effondrer. Toutes les gens qui ont des placements en bourse, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, là? Ben là, tu vois un peu loin là que ça va Pas loin, je s'effondrer. te dis exactement ce qui va arriver, comme je t'ai dit il y a 2 ans, qui s'en venait, qui arrive. Mais il y a Vous des allez. choses qui n'arrivent pas comme on le pensait, parce que moi-même, j'ai été l'un des premiers On en surpris. parlera Trump en 2022. L'année 2022 n'est pas finie. Je vous dis que Trump reviendrait. Et je pense qu'il va revenir encore. Je pense pas, je le sais. Mais on verra. Regardez, je me mets ça à table, là. Puis si j'ai tort, j'aurai tort, je m'en fous. Mais moi, c'est. Puis là, si on veut parler de politique américaine, ça va être compliqué parce que c'est très complexe. Mais moi, je suis à peu près sûre que Trump revient au pouvoir en 2022, début 2023. Les Bon, élections vont être annulées, chérie. C'est déjà commencé. Regardez les nouvelles. Le Wisconsin vient d'annuler toutes les élections, là. C'est corrompu, ils l'ont vu. Ils ont annulé les sénateurs, puis ils ont annulé l'élection dernièrement. c'est ça, Wisconsin. mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la fraude électorale que tu nous parlais là, à l'égard des élections américaines depuis plusieurs mois, finalement, il n'y a pas eu un retour en arrière pour, dans le fond, faire en sorte que l'élection de Joe Biden soit reconnue comme invalide, là. J'ai rien compris de ce que tu as dit, pardon? Par rapport à la fraude électorale qui Oui. aurait eu cours aux dernières élections américaines. C'est clair que Trump gagnait. Oui, mais justement par rapport à ça, parce que ça fait plusieurs mois qu'on a fait plusieurs enregistrements ensemble où ce que tu faisais allusion qu'à un moment donné, ben ils vont être obligés de reconnaître que les élections étaient pas bonnes. Ben pas bidon, ils vont reconnaître ça, oublier ça, ils reconnaîtront Non, que. mais je veux dire, admettons le Congrès américain ou d'autres instances. Ça va se faire au midterm. Mais c'est même pas besoin des midterms. Ce que je veux dire, c'est que ça se fait plus lentement que ce que j'aurais aimé, mais ça se fait. Il n'y a pas rien que le Wisconsin qui est en démarche là-dedans, là. Il y a 6-7 États qui ont commencé à réviser. Ils se rendent compte, ça sort, l'information sort. Fait que pour pouvoir annuler l'élection dans le pays, faut qu'il y ait plusieurs États qui font une démonstration, puis ils se battaient contre la justice, qui se battaient. En fait, la justice, en grande partie, était achetée, fait que c'était difficile. Mais là, ça commence à se faire, à bouger, puis à se construire. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent l'automne prochain aussi. Il y a des nouvelles qui vont sortir, vous allez voir. Mais je veux dire, à la vitesse que ça va, j'ai l'impression que Biden ne sera plus au pouvoir pour reconnaître qu'il était légitime. Là, ça va faire bientôt 2 ans à l'automne qu'il est au pouvoir, Biden. Ben oui, mais là, Biden, ils ont eu une demande de Dr. Jackson, vu l'évaluer, là, il serait dément. Il est dément, ce gars-là. Il a été mis en place pour pouvoir faire passer la pandémie du virus. C'est volontaire. Son élection, pourquoi ils ont volé l'élection? Il fallait que Bidon soit là pour faire tout le reste. Faire l'élection, pour que l'élection, le virus. Non, pardon, la pandémie a été créée pour faire rentrer Bidon au pouvoir. Parce que le vote électronique, c'est ça qui a permis ça. Et la pandémie a été un prétexte pour mettre en place le vote électronique. C'est le point 1 du plan d'Amy. C'est le point 1 du plan, c'est créer un virus mondial, c'est créer une panique mondiale, puis surtout aux États-Unis, pour que Bidon rentre. Ben, Bidon, il est rentré parce qu'il était sur les votes électroniques. Mais si les gens regardent 2000 mules, puis regardent ils ont des données, mais ils sortent pas toutes, là. Ils ont toutes sortes d'informations qu'ils ont encore retenues jusqu'à présent. Mais regardez 2000 mules, les amis. Ils ont les preuves, ils ont suivi 2000 téléphones, puis ils ont filmé des gens en train de remplir des ballots. Tu sais, ils l'ont, l'info. Pourquoi qu'elle sort pas vite, ça? Faudrait que j'aille voir l'armée américaine, puis être dans les secrets de l'armée américaine, malheureusement, mais ils m'ont pas invité, je sais pas. Je pense pas qu'il t'invite non plus, mais le point que je veux faire, c'est que ça va tellement pas vite, justement, Ça va pas vite. les démarches, que finalement, il va peut-être s'écouler 4 ans, Non. puis il va avoir fini son mandat, puis... Tout 2023, tout décolle. Oubliez ça. Puis je pense même un peu avant, là. Ça va commencer par pas mal de choses. Mais je vais m'arrêter là parce que le monde va commencer à dire, ah, il peut être ça. On verra. Faites-vous-en votre propre Non, non, idée. ben on verra. Moi, avec le temps, je suis un peu plus sceptique parce que je me rappelle, Alexis Cossette avait déclaré là, que c'était début 2021 pour son investiture, que l'armée allait intervenir. Puis là, c'était pas arrivé. Il dit, ah, ça va être dans un mois, ça va être ci, ça va être ça. Mais ce lanceur-là d'alerte, finalement, il est dans le champ puis ça va faire tantôt 2 ans à l'automne, là. Oui, mais en tout cas, pour moi, c'est pas le même, je l'entendais. Oui, Alexis a dit ça, mais ah, j'ai perdu le fil. Il aurait fallu que je te coupe quand tu parles, mais c'est pas toujours poli. Des fois, ça coupe, ça va trop vite. Oublie ça. On continue. Il y avait quelque chose dans ce que tu as dit, mais d'autres choses. Je pense qu'ils ont juste laissé le plan relié à Trump fait versus le plan des mondialistes versus les nationalistes, là. C'est un plan qui est ouvert. C'est pas un plan. C'est pour ça que c'est difficile de dire, ah, ça va arriver telle date ou telle date. Mais c'est un plan ouvert. C'est ce que le général Flynn expliquait. Ça fait depuis la mort de Kennedy qu'il travaille là-dessus, les amis, là. Fait que l'armée américaine, l'intelligence, c'est depuis 1969 qu'ils ont commencé à dire, faut qu'on travaille ça. Ils sont allés chercher Trump en 2012-2013. Il y a une raison. C'est l'armée qui est allée le recruter en passant. Donc, le plan est ouvert. Il y a un plan, mais ça dépend de la réaction des. Tu sais, c'est un combat, c'est une guerre. Fait que si tu fais tel geste, ah, il y a telle possibilité. Mais ils n'ont pas tout défini de 1, 2, 3, 4, 5, Non, A, B, non, C. je comprends. C'est pas un plan qui est rigide ou très fixe. Il y a un certain jeu, il y a une certaine malléabilité. C'est ça. Mais moi, je pense qu'ils auraient pu défaire les élections de Bidon dès le début. Ils ont toutes les preuves, puis ils n'ont pas voulu. Ils voulaient qu'ils rentrent. Ils l'ont dénoncé publiquement qu'il y avait eu une fraude électorale, mais s'ils avaient voulu vraiment prouver la fraude électorale, ils ont tout pour le faire. Je crois qu'ils ont juste voulu sensibiliser la population américaine, particulièrement que les Américains s'ouvrent les yeux, puis de voir c'est quoi un bidon au pouvoir présentement, qu'est-ce qu'il va faire. Il fallait qu'il laisse aller. Ouais, pour voir ce que ça donne les élections qui sont bidons. C'est ça. Puis le virus étant la justification de l'entrée de Bidon par les votes électroniques, vous remarquerez que dans le plan 2030, non pas 2030, dans le plan de Schwab, il y avait dans l'idée de nous confiner plusieurs années, pas 2 mois, les amis, c'était des années avant de sortir le vaccin. Mais ils ont pogné une tromphinette entre les deux, puis qui a sorti un vaccin plus vite qu'eux autres. Ça a mis fin à l'idée de nous confiner plusieurs années parce que lui, il a sorti le vaccin trop vite. La gang a Trump fait. Donc, On voit que c'est des jeux, là. Ben oui, il y a différentes factions qui se combattent, puis il y a des effets surprises des fois, là, comme moi, l'une de mes plus grandes surprises, c'est que le passeport vaccinal est tombé là, dans les dernières semaines au Québec. Donc. Ça, c'est le passeport vaccinal. Ben non, mais c'est pour faire rentrer l'identité numérique. C'est un prétexte, là. Ils ont mis ça de côté temporaire, mais regarde bien, là. T'as pas remarqué qu'on est rendu dans septième vague, quatrième vaccin, cinquième vaccin. Là, on est rendu au moment où on se parle, au mois de juillet 2022, selon le docteur Boileau, directeur de la santé publique, dans la septième vague. Puis là, la quatrième campagne de vaccination est censée, dans le fond, commencer là, pour milieu du mois d'août 2022. Tout est Ah ouais? déjà programmé. Puis embarque les bébés là-dedans, hein? 5 mois et 6 ans, ils ont accepté ça. Moderna, vaccin Moderna. Youhou! Hey! Mais c'est ça, je pense qu'il faut que ça aille jusque-là pour que les gens comprennent jusqu'où c'est fou. On vaccine des enfants avec une expérience génétique. Ce n'est pas un vaccin, les amis, je le répète. Ce n'est pas un vaccin contre la variole, là. On parle d'ADN. C'est des ARN messagers. On donne ça à des bébés jusqu'à 6 ans qui, eux, n'ont aucun problème avec la COVID. Habituellement, il n'en meurt pas. T'sais, c'est très Ils n'en peu meurent même pas. probable, là. Donc, Il y a c'est plein chez moi les cas, là, s'il vous plaît, tout le monde. Sacrez-moi patience avec les cas, là. Tout le monde a un jour une grippe ou un rhume. C'est un SRAS 2, le COVID. Hein? En passant, si vous ne savez pas, SRAS 2, c'est une grippe qui est connue depuis 1952. Je ne sais pas pourquoi je m'en rappelle de cette date-là. Mais c'est connu. C'est un SRAS. Donc, puis là, on va piquer les enfants. Check bien conséquence. Ben, c'est ça, ils sont exposés à une thérapie génique. C'est sûr que par rapport à la question de la réduction de la population, puis l'agenda mondialiste, C'est ça. c'est sûr que par rapport à eux autres, ça ferait très bien leur affaire si l'ensemble de la population serait exposée à une substance, à plusieurs doses annuelles qui permettraient de garder les gens stériles, voire de diminuer le système immunitaire Malade, c'est payant pour le Big pour Pharma. amener une réduction de Tuer la quelqu'un au population. passage parce qu'on est trop nombreux. C'est tout ça l'objectif de la vaccination, David. C'est que ça l'objectif de la vaccination, rien d'autre. Contrôle, faire peur, rentrer les idées, éliminer du monde. Présentement, là, les gens ne le savent pas, mais les données, les NSPQ, en tout cas, c'est compliqué parce qu'ils ont encore changé les calices d'affaires. Là, ils ne mettent plus. Les hospitalisations, avant, ils mettaient hospitalisation une dose, hospitalisation deux doses. Bon, non vaccinés, non vaccinés. C'est tout disparu, les amis. Ils mettent plus ça, là. Ils mettent juste les hospitalisations. Posez-vous la question, pourquoi ils ont enlevé première dose, deuxième dose, troisième dose, pas vaccinés? Posez-vous la question. Puis répondez-y, c'est assez simple. Non, exactement. Ben, j'écoutais des lanceurs d'alerte qui disaient que ça revenait pour camoufler le fait que finalement, le discours qu'ils nous tenaient pour nous culpabiliser en disant, ah, les non-injectés, c'est à cause d'eux autres, les urgences sont pleines. Ben, finalement, tu sais, j'écoutais entre autres André Pitte qui disait, plus la personne est vaccinée, plus qu'elle risque d'avoir le COVID. Ben c'est ça. Il y a cet aspect-là que tu dis, mais moi, l'autre aspect que j'ai vu, c'est présentement, les gens qui sont très malades à l'hôpital, puis qui en crèvent, là, c'est toutes des vax 9 sur 10. Ça paraît pas bien d'en donner une INSPQ, ça, là. Deux doses, 9 sur 10 sont morts. Hey! Hey! C'est Les gens ça. meurent, là, présentement. De suite des vaccinations, parce qu'ils ont tellement eu le système immunitaire affaibli que là, ils pognent l'influenza. En passant, il y a eu l'influenza au mois de juin, là. Personne n'a entendu parler de l'influenza, ça n'existe plus. Mais excusez-moi, ça existe encore. Il y a eu beaucoup de gens que j'ai vu qui avaient eu l'influenza. Mais ceux qui ont été vaccinés, il y en a beaucoup qui sont rendus à l'hôpital, qui sont malades en Jupiter. S'il y en a sûrement qui en sont morts. C'est du moins ce que j'ai pu lire dans les données en Angleterre. C'est-tu en Angleterre? Je me rappelle plus où. Il y a trop d'informations. Je dis tellement d'informations que je ne cherche pas à retenir l'information. Je retiens la ligne générale. Mais je sais que c'est un pays en Europe et ils ont sorti les statistiques. C'est 9 personnes sur 10 qui présentement meurent dans les hôpitaux vaccinés. Ils sont des vaccinés. Deux doses, trois doses. Alors, accrochez votre ticket de la broche, hein. Ben, c'est sûr, parce que là, il y avait Jonas Collin, qui est un lanceur d'alerte, qui disait que quand on allait être rendu à la cinquième ou sixième dose, que probablement, de ce que je comprenais de ce qu'il disait, que le système immunitaire serait tellement affaibli des gens que là, ça va se mettre à tomber comme des mouches. Ben, je te ferai remarquer qu'en Israël, ils sont rendus 4 puis 5 doses, puis sont en train de crever aussi. C'est un scandale ce qui se passe en Israël. On n'en parle pas. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui est israélien, qui travaille ici, mais qui est israélien, mais qui travaille ici, puis qui a dû aller en Israël dans les derniers 2 mois. C'est pas jojo ce qui se passe là-bas. Puis quand il est revenu au Québec, il me disait, il dit, c'est pas bien ben mieux au Québec non plus. On est vraiment dans la merde, c'est aussi. Mais on n'entend pas parler dans les médias, il n'y a pas Pourtant, personne qui en parle. ben oui, mais je sais même pas pourquoi le monde pas écoute ça encore, TVA, Merdia. C'est à vomir ce qu'ils disent. C'est terrible. Ils désinforment les gens. Puis c'est pas rien que TVA, Radio-Canada aussi. Eux autres sont pas pires. Mais Radio-Canada, TVA, c'est privé. Au pire des cas, tu shut down ta TV, je m'en fous. C'est privé. C'est une entreprise privée. Si tu la consommes pas, elle va devoir changer. Mais Radio-Canada, c'est nos impôts qui met cette télé-là pour le service à la communauté, au peuple. Puis là, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, l'Ombudsman, puis il y a eu un dépôt de Julie Lévesque pour une poursuite contre Radio-Canada, contre certains journalistes. Puis Julie Lévesque, si vous ne la connaissez pas, au Québec, c'est une journaliste, je dirais, anti-mesures sanitaires, très renseignée, qui est allée jusqu'à porter plainte assez loin, jusqu'en cour. Et puis, elle essaie d'aller en cour, je pense. Et Radio-Canada a dit à Radio-Canada de s'excuser parce que vous avez traité les gentils de ça, vous avez nourri la haine, vous avez entretenu, tu sais, la division. Puis en plus, il y a pas de débat dans votre télévision, puis c'est pas normal. Et là, Radio-Canada refuse de s'excuser. Écoutez bien la raison. Refuse de s'excuser en prétextant la liberté d'expression. Ah! C'est à rouler à terre, ils censurent à peu près tout le monde qui n'a pas le même discours qu'eux autres. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas liberté d'expression journalistique. Ah ouais? Ah! Ah bon. Faut être épais en crise, faut être pas. Quand on écoute ce que ça dit à la télé puis que les gens entendent ça, faut être aveugle pour pas voir que ça n'a pas de sens puis que Radio-Canada travaille avec le gouvernement de Trudeau, là, puis le gros, pour ne pas dire Legault. Fait que Oh, là, et puis les très. médias sont au service des gouvernements puis du politique. On n'a plus d'informations à la télévision. Lâchez-les, la télé, là, puis allez chercher l'info ailleurs, il y en a plein. Tout est disponible, les amis. Il s'agit juste de se servir de sa tête puis mettre 1 heure ou 2 par jour si on veut trouver quelque chose. Mais faut Oui. chercher l'info. Oui, quoique il faut que la personne soit prête à aller sur des réseaux sociaux alternatifs, dans le sens que sur je pense à YouTube, il y a de la censure. Ensuite, il y a une autre plateforme qui se développe, il y a de la censure, et ainsi de suite. Tu sais, il y a un effort pour aller chercher l'information. Puis la problématique aussi, comme tu vois, Julie Jolévesque, je trouve ça très, très intéressant, les démarches qu'elle fait, parce qu'à mon avis, c'est une des rares journalistes indépendantes. Oui, ben c'est une des seules qui reste. Je pense au Québec, il a bien y pensé. J'exagère, mais il n'en reste pas beaucoup. Qui d'autre que tu connais, David, au Québec? Excusez-nous, les gens d'Europe. Mais au Québec, j'en connais pas d'autres, moi, à part celui qui a démissionné de Radio-Canada, comment il s'appelait, qui avait Stéphane invité. Bureau qui avait interviewé Didier Raoult. Dis Raoul, oui. Exactement. Puis l'entrevue, je l'avais écoutée, là, tu sais, il lui permettait de s'exprimer, puis tu sais, il a été blâmé gros comme le bras par rapport à ça, alors qu'en réalité, si, comme tu disais, si c'est le droit de la liberté d'expression, ça va dans les deux sens, pas juste dans le sens du narratif officiel. Ben c'est ça, c'est pour ça que j'ai ri quand j'ai entendu la réponse de Radio-Canada à la radio. J'ai dit ben ouais. J'ai ri aux éclats dans l'auto en me disant ça se peut pas que le monde voit pas ce qui se passe. Mais bon, il semblerait qu'il y a de plus en plus de gens qui réalisent. Moi, j'en entends d'autres affaires, là. Mais c'est un éveil qui se fait. Tu sais, si on revient à un niveau un petit peu plus large, c'est un éveil mondial qui se fait des populations pour des raisons d'évolution, tout simplement. Puis moi, c'est ça que je comprends. C'est sûr que la planète Terre demeure une planète d'expérience et elle le sera toujours. Et j'ai toujours dit que les changements passent jamais par les majorités. Alors, s'il y a un changement qui va se faire, ça va être des minorités qui vont l'avoir amené, comme la plupart des changements importants sur la planète de direction, peu importe les changements. Des révolutions, là, ça se fait pas à part, ça prend un pourcentage, mais c'est rarement la masse de gens qui font le mouvement, tu comprends? Bien, C'est c'est-à-dire plus. qu'ils vont suivre un mouvement individuel qui est déjà là, qui a été initié par. Ça peut être un initié, hein? C'est Qui ça, initie un oui. mouvement de conscience nouvelle, puis ils vont emboîter le pas avec le temps. Mais c'est sûr que par rapport au scénario, je voulais t'amener à discuter là, en lien avec la gestion de crise. J'ai fait d'ailleurs une vidéo récemment par rapport à ça, où on réalise que présentement, où ce qu'on se parle, au mois de juillet 2022, on est à peu près à 1700 cas d'hospitalisation, selon les données officielles. Les mesures ont tombé, le port du masque dans la plupart des lieux, il n'y a plus cours. Ensuite, les gens n'ont plus besoin de passeport. Les gens peuvent se rassembler, peuvent aller au festival d'été en grande quantité, ainsi de suite. On retrouve plein de libertés, il y a 1700 cas, mais il y a à peine quelques mois, à la fin du mois de décembre, on était environ à 1000 cas. Et là, c'était comme la fin du monde, là. Les rassemblements, il y avait des alertes rouges, tu sais, c'était très strict. Ouais, mais il y a plein de choses qu'on découvre. Il y a aucune cohérence dans leurs mesures. Ce n'est une incohérence que tu présentes, entre autres, parmi d'autres. Mais il y a une surmortalité qui est arrivée en 2021. Je crois que les statistiques 2021, il y a une surmortalité. Et c'était suite à la vaccination. Puis 2020, il y a une sous-mortalité dans la pleine période de crise COVID. Donc, il y a moins de morts qui sont morts avant d'être vaccinés dans la crise du COVID, puisqu'ils nous ont confinés, ils nous ont fait souffrir toutes sortes de niaiseries, que l'année d'après où ce que le vaccin est apparu, puis un an plus tard, fin de l'année 2021, finalement, il y a plus de morts depuis qu'on vaccine. Faut aller voir les décès dans le registre Québec, vous allez voir, c'est gros comme le bras, c'est là, c'est ça que je dis. L'info est là, faut juste aller la chercher. Fait qu'il y a plus de morts depuis qu'on vaccine. C'est pour ça qu'on se tape une propagande infernale. C'est un peu comme la Russie puis l'Ukraine, en fait. Présentement, si on écoute la télé, l'Ukraine va gagner la guerre quand elle est en train de la perdre carrément, puis ils sont en train de plus que perdre juste la guerre. Ils perdent toutes sortes d'affaires. C'est pas vrai que l'Ukraine va gagner la guerre. Oubliez ça, les amis, c'est fini. Je l'ai dit, ça devait être fini en février-mars, mais parce qu'on envoie bien de l'argent, hein, c'est ça maintient. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste plus de morts. Je sais que je parle d'une façon froide et brutale Non, de non, mais ça. je suis d'accord avec toi. Puis Berthold aussi l'avait dit dès le départ que, à quelque part, ça serait comme, de ce que je comprenais de son discours, plus intelligent que l'Ukraine renonce une partie de son territoire à la Russie, puis plutôt que d'entretenir ça encore dans les prochains mois, puis il y ait plus de morts civiles, puis de souffrances humaines. Il faut comprendre si les gens sont, mettons, pro-ukrainiens. Il faut quand même comprendre que les régions dont on parle, la Russie n'a jamais dit qu'elle envahirait l'Ukraine. C'est les régions de cette partie de l'Ukraine qui sont massacrées, comme le Donbass, par exemple, qui sont massacrées par les fachos de l'Ukraine depuis 2008, qui ont demandé à la Russie de s'annexer à la Russie. OK? Ils ont passé un référendum dans trois, quatre régions, puis le vote a passé. On veut être connecté à la Russie. Puis ils ont demandé pendant avant que Poutine rentre en Ukraine, par les frontières du Donbass, entre autres, et de Mariupol et compagnie, c'est 2 ans qu'ils demandent à la Russie de venir les sortir parce qu'ils sont en train de vivre un génocide, puis qu'il n'est pas allé. Il essaie de négocier. 2 ans, les amis, avant 2000, avant que ça rentre. Alors, tu sais, à un moment donné, les gens, c'est comme si le Québec voulait voter d'être indépendant puis de s'annexer comme 52e État ou 53e État des États-Unis. C'est notre droit, je suis désolée. Si le Canada dit non, il n'y en est pas question, vous allez rester ici. Voyons donc, toi, t'es qui pour nous dire quoi faire? On veut être annexé ailleurs, nous autres. On veut être indépendant, on a le droit. C'est ça qui est arrivé en Ukraine, puis. Il faut quand même remonter l'histoire de tout ça parce que les gens connaissent. Allez voir qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ça va comme. Puis là, je remonte pas loin, mais c'est bien plus gros que. Deuxième Guerre mondiale. C'est qui a gagné la guerre mondiale? C'est les Russes. Ils ont perdu des millions de soldats pour défendre la liberté, les amis. Ben, c'est-à-dire les États-Unis aussi. Excusez-moi de me passer mon chemin. Moi, moi, moi. C'est pas parce qu'ils ont débarqué en Normandie que les Canadiens et les Américains qui ont vraiment fait grand-chose, David. Hein? Les soldats russes, là, il y en a des millions qui sont morts dans la Oui, guerre. mais c'est ça. C'est parce que les Russes, ils allaient au front. Ils ont, entre autres, ceux autres qui ont libéré Berlin là, en Allemagne. Puis, mais tu sais, c'est comme les En deux, Américains, disons, c'est leur laissaient faire une partie du sale travail qui consistait à prendre plus de risques puis d'aller au front dans certaines zones sensibles. C'est eux qui l'ont. Ben oui, mais c'est ça, tu le dis très bien, mais c'est ça. Il faudrait peut-être à un moment donné regarder un peu l'histoire, comprendre que C'est c'est ça, pas. mais je veux dire, eux autres qui ont été les gagnants, les Américains, entre autres, je le prenais dans la dimension économique d'après-guerre, dans le sens que toute l'industrie en Europe était à terre, soit les pays comme l'Angleterre, la France, etc. Il y a eu des bombardements, des industries qui ont été détruites, tandis que l'industrie américaine carburait, puis il y a eu les Trente Glorieuses là, par la suite. Là. Ça a été un boom économique incroyable. Le niveau de vie a augmenté aux États-Unis. Puis faisaient pas face à de la compétitivité des Allemands, leur industrie était à terre. Fait que eux autres, au niveau de la production industrielle, ils ont pris le pas. Oui, c'est ça. Fait que, en tout cas, même là, la Deuxième Guerre mondiale a été fomentée par le Deep State. Bon, en tout cas, bref, ça devient complexe. Mais ça part un petit peu. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'on voit les Russes, en tout cas au Canada puis au Québec, on est tellement brainwashés par la télé puis les nouvelles que la Russie, les Russes, c'est des ennemis. Tu sais, c'est rentré dans la tête des gens. Oui, C'est des mais c'est un communistes. lavage de cerveau qu'on a là, depuis plusieurs mois, que c'est Ah, les plusieurs Russes. années, David, plusieurs années, là. Les Russes, là, t'as-tu déjà entendu une nouvelle aux États-Unis qui n'est pas anti-russe, toi? Calice. Non, non, Comme mais t'as pas tort en réalité. là. Trump, à un moment donné, pourquoi je me laissais au début, je ne savais pas pourquoi. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash parce que quelqu'un m'avait dit, il n'est pas si pire que ça. Puis là, j'ai réalisé, j'ai dit, hey, quand j'écoute la télé et qu'il parle de Trump, ça, c'était avant son élection en 2016, après son élection en 2016, il avait jamais une qualité, ce gars-là. Il a jamais rien fait de correct. Il est toujours un petit fucké. N'oubliez jamais que toujours et jamais, c'est toujours polarisé à fond la caisse astrale, hein? C'est là que j'ai allumé, moi. J'ai fait, là, ça se peut pas, il y a quelque chose qui marche pas. Ça se peut pas qu'il soit rien qu'un chien fini, lui, là. 100% Ben, la Russie, on d'accord. fait pareil, ici. Les Oui. Russes, c'est tous des chiens finis puis des communistes, des gnagnagna. Non, non. Il y a des oligarches, il y en a en Europe, il y en a en Russie, il y en a. Ça, je suis d'accord. Mais si on parle du peuple russe puis des Russes de façon générale, excusez-moi, c'est un peuple crissement cultivé comparé à nous autres. On a des côtes à manger un petit peu, là. Mais bref, c'est pas important. Je voulais juste faire un point sur l'Ukraine. C'était voté par ces États-là de vouloir s'associer à la Russie. Exactement. Puis ça a pris 2 ans avant qu'il y aille, puis il n'y a pas été pour rien non plus. Tu sais, la propagande russe existe aussi. En passant, il y a la propagande américaine. Puis dans une guerre, il y a des propagandes. Et ça devient difficile de savoir qui dit vrai, là. Mais j'ai perdu le fil en disant ça. C'est pas grave, mais ce que j'observe en lien avec la situation présente par rapport au conflit en Ukraine, c'est que c'est le complexe militaire industriel américain qui est le grand gagnant parce qu'ils vont produire des armes à la fois offensives et défensives. Donc, J'ai perdu le début de ta phrase. Excuse-moi, je pense que oui. je commence à être fatiguée. Vas-y. Oui, bien, à mon avis, le grand gagnant, là, De quoi? De la Deuxième Guerre ou Non, non, de. bien, de qu'est-ce qui se passe en Ukraine, là, OK, oui, c'est le vas-y. complexe industriel militaire américain. Parce qu'eux autres, ils produisent des armes, puis ils empochent de l'argent présentement, à la fois des armes offensives et défensives, là. Tu sais, puis ils envoient ça en Ukraine, puis eux autres. Laboratoire secret, là. Tu Comment? parles-tu du laboratoire secret? Ah, ben, je l'entendais, le volet visible, mais aussi, il peut y avoir des enjeux par rapport c'est sûr, au laboratoire secret ukrainien, en Ukraine, des États-Unis, ouais. Moi, je pense que militaire, machin que tu appelles, Ouais. je pense que c'est des laboratoires, surtout, qui créent des virus. Tu en as fait, ils en ont démantelé, je pense, 43 jusqu'à présent. Poutine a dit qu'il rentrait en Ukraine pour scraper l'armée américaine et ses fachos et pour défaire les laboratoires de niveau P4. C'est ça son but. Rien d'autre. Ben, Alors, complexe militaire, machin, ça se peut, je sais pas. Là-dessus, je suis Non, moins. non, mais je l'entendais dans un sens très primaire de base. C'est-à-dire que si une entreprise aux États-Unis, elle a produit des chars d'assaut ou des drones ou des armes, ben, la valeur de ses actions va se mettre à lever, là. Tout à fait. Qu'il y ait crise économique, pas crise économique, c'est une plus grande, par exemple, demande pour des missiles. Mais ces gens-là vont se remplir les poches, puis peu importe s'il y a des gens qui meurent de ça en Ukraine. Donc, les grands gagnants, c'est eux autres. L'industrie de la guerre, Oui, oui. exactement. L'industrie de la guerre sous toutes ses formes, mais c'est parce que là, ce qu'on est rendu, là, c'est pas trop. Ben, ça se peut, des canons, des tanks, puis tout ça, oui, puis des fusées, puis gna. Mais là, on est rendu à une guerre où ce qu'ils peuvent provoquer un Ebola. Ils ont le virus Ebola en laboratoire P4, les amis, là. Ils peuvent vous coller ça sur la tête n'importe quand. C'est dangereux, là. C'est une guerre bactérienne, biologique. C'est pour. Alexis Virologie, a virologique. pris le biofascisme. C'est du biofascisme qu'il disait. Bon, il y a le biofascisme, mais il y a le fascisme des virus. Je ne sais pas mal dire, mais là, ils sont équipés pour pouvoir tuer à peu près tout le monde et cibler des gens. Ils ciblent des communautés. Ils peuvent. Oui, Technologiquement, ça. dans Du la là. télésérie que les gens peuvent d'ailleurs retrouver sur Netflix, qui s'appelle Le Président désigné, The Designated Survivor, dans la OK. troisième saison, ce qui est question, c'est d'une arme biologique qui est développée par des terroristes en laboratoire pour faire une sélection génétique. Là, je vais dévoiler le punch, là. C'est des gens qui veulent l'écouter, mettez l'enregistrement sur pause, sinon je vous le dévoile. C'est que le but, c'est que à travers la télésérie, là, c'est en lien avec la politique américaine, puis c'est basé sur certaines réalités, puis extrapole. C'est qu'en voyant que la quantité de gens de couleur augmente aux États-Unis, les républicains, bien, il y a des républicains qui auraient voulu développer, mais c'est une série fictive, une arme biologique qui va cibler les gens de couleur parce qu'ils votent pas pour les républicains, pour les éliminer à travers une arme virologique. Eh bonne celle-là, mais c'est vrai qu'il y a une augmentation des noirs. Le ratio noir-blanc a augmenté très rapidement dans les derniers 30-40 ans. Ben c'est ça, hispanophones aussi, des gens de couleur, ce qui fait dire à certains que ces gens-là habituellement votent pour les démocrates plutôt que les républicains, en général. Ce qui Moi, fait en c'est sorte que vrai d'ici que 30 ans, c'est tout le temps le parti, pardon, démocrate qui sera à la tête du pays, là, dans cette optique-là. c'est Puis intéressant. pour empêcher ça, dans le scénario fictif, c'est que des responsables des républicains développerait d'une manière cachette, en cachette puis voilée, des armes virologiques pour éliminer la population de couleur aux États-Unis. Et évidemment, c'est une émission de Netflix, fait que c'est sûrement pas des démocrates qui font ça. Hein? C'est tout le temps des républicains, les méchants. Quelle perspective as-tu sur l'évolution du conflit en Ukraine qu'on connaît présentement? Ouf, une question qui est large et grande, celle-là. Moi, je crois que ça va provoquer l'effondrement de l'économie du dollar américain. Et que le BRIC va prendre la place. Le BRICS, qu'est-ce que tu entends par là? Ben, il y a une espèce de nouvelle économie qui se développe en parallèle. Le BRIC, ce qu'on appelle, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui se sont associés et ont comme commencé à créer une nouvelle façon d'échanger l'économie basée sur l'or. Valeur de l'argent est basé sur l'or, dont la création du rouble, pas la création du rouble, pardon, mais le rouble russe, depuis qu'ils ont parti ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a levé d'aplomb. Alors, pour moi, il y a comme une économie parallèle qui se crée déjà présentement. Je ne sais pas si c'est parallèle, en tout cas, si je dis n'importe quoi, ça se peut, là. Mais pour moi, ça peut être comme une économie parallèle qui se crée présentement déjà. Puis la résultante de l'Ukraine, c'est l'Ukraine va devoir soit prendre son trou ou je sais pas quoi là, mais c'est sûr que l'Ukraine c'est terminé, ça va être démoli, ça va être démoli au niveau pas le pays là, c'est pas ça que je dis, mais ce qui va être démoli, c'est ce qui était corrompu dans le pays totalement. Donc l'objectif de Poutine qu'on parlait tantôt, les objectifs vont être atteints. Puis après, on verra, je ne sais pas ce qui va se passer, mais l'Europe va souffrir, on va souffrir d'un changement. Pour moi, ce que je vois, c'est un. Je vais le parler sur le contact parce que c'est, si je rentre dans trop de détails, les gens vont se perdre. Moi, sur le contact, ce que je vois, c'est que ça va faire il y a un 360 qui va se faire bientôt. 360. Qu'est-ce que ça veut dire? Un revirement complet. Mais c'est parce que 360, tu retournes à ta case départ. Tu sais, tu fais un tour sur toi-même au total, tandis que moi, je verrais ça plus un 180, ouais, à 180 degrés là, pour Degrés. qu'il y ait un Excusez. changement important, là. Mais moi, la façon que je vois le scénario, de la manière qu'il se dessine, ça va être dans les prochains mois un appauvrissement de plusieurs pays d'Europe, que ce soit l'Allemagne, la France, par rapport à le fait, entre autre, si on prend l'Allemagne parce qu'il s'approvisionnait en énergie de la Russie. Ouais, ce que tu dis, c'est exactement ce qui va se passer, mais c'est provoqué. Ça, c'est pas provoqué par la Russie, les amis. C'est provoqué par le Deep State qui arrête pas de nourrir Zelensky, puis c'est fou, malade, là-bas, là, pour envoyer de l'argent en Ukraine pour maintenir une espèce de guerre inutile, dans le fond, juste essayer de préserver. En fait, ce qu'ils essaient, c'est de sortir l'argent. Je pense qu'ils ont 43 milliards de bloqués là, hein, en Ukraine, puis ils essaient de la sortir. Mais tout ça pour dire que l'effondrement de l'Ukraine, en fait, comme pays corrompu, où ce qu'on peut faire notre business, sera plus disponible. Ça va nettoyer ce territoire-là complètement. Alors, qu'est-ce qu'il a. Pour moi, c'est une guerre entre les mondialistes et les nationalistes qui se passent. Nous sommes les petites souris en dessous qui se tapons toute la map. Mais c'est réglé, c'est clair que c'est pas les mondialistes, que ça passera pas le plan des mondialistes. Il est déjà tempé dans le plancher, ça marche pas le plan. Et là, ils sont fourrés, pour moi, ils sont paniqués. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des pénuries alimentaires, des pénuries de ci, ils brisent la chaîne alimentaire. Là, la Chine, je sais pas combien de fois, ils ont fermé la livraison de toutes les marchandises pour un cas de COVID. Voyons donc, un cas de COVID, ils ferment les fronts, ils ferment tout. COVID zéro, pas un malade, un cas. Voyons donc, c'est Un une cas, c'est utopie. un cas de trop, comme dirait François Legault. Tu sais, quelqu'un qui est malade d'un cas de COVID, c'est un cas de trop. Mais pendant ce temps-là, plein de monde peuvent mourir du cancer, plein d'enfants peuvent faire des dépressions, plein de personnes âgées peuvent subir de la négligence, mais un cas de COVID, c'est un cas de trop. Puis ça me rappelle que vous devriez aller vous chercher de l'information sur les compagnies d'assurance qui commencent à parler. Oh! Oh, que c'est pas le fun ce qui se vit, eux autres, ils envoient des morts passer en esti. Les grosses Laissez. compagnies OK. d'assurance sont en train de dévoiler le problème parce qu'ils disent qu'il y a tellement de gens qui meurent puis qui demandent des compensations sur les assurances que là, s'il va falloir qu'ils fassent quelque chose, ils vont faire faillite parce qu'il y a trop de morts. Ben, c'est là que j'allais en venir par rapport aux assurances vie. C'est fou. C'est-à-dire que si les compagnies d'assurance se rendent compte que des gens injectés meurent plus que les non injectés, ben, à un moment donné, ils vont peut-être demander une prime sur le coût de l'assurance vie, voire peut-être éventuellement refuser d'assurer des gens qui ont été injectés plusieurs doses. Ben, moi, ce que j'ai vu passer dans les contrats, des petits contrats d'assurance présentement, c'est là maintenant, c'est que c'est indiqué que une personne décède du COVID, d'un virus quelconque, tout ça, c'est terminé, il n'y a pas de paiement. Ils vont le faire. Ici, ils le font déjà, certaines comme les assurances. J'ai mon assurance habitation ici. Ben, c'est ça. Dans le contrat, c'est indiqué que s'il y avait de la maladie reliée à des virus ou des bactéries ou quoi que ce soit qui sont pas. C'est pas. Ils sont pas responsables, puis indemniseront pas. Pas dans ce contexte-là. OK. Fait que je crois, mais là, les grosses compagnies d'assurance dans le monde, je parle pas des compagnies canadiennes, c'est des américaines puis d'autres, les grandes compagnies d'assurance ont tellement de demandes de compensation financière suite à des décès que là, ils commencent à trouver que ça fait pas mal de monde qui meurt puis que ça lui coûte cher. C'est suite à la vaccination, hein, en passant, puis ils le disent, là, les gens meurent de suite de Mais attends vaccination. une minute, juste pour m'assurer de bien te suivre, tu parles que les compagnies d'assurance parlent de décès suite à la vaccination? Oui. OK, Le c'est taux pas. d'augmentation de décès depuis qu'ils vaccinent a monté de 300-400 %. Allô, la Terre? Ça commence à sortir un petit peu partout. Tu sais, il y a les assurances qui commencent à parler de problématiques de décès. Il y a de plus en plus de données sur les maladies suite à la vaccination, les cardiopathies, les augmentations de cancer. En parlant de ça, je ne sais pas si tu as vu la dame haïtienne, Nadège Saint-Pierre, je crois, Nadège, une Québécoise qui Oui, faisait la... Nadège Saint-Pierre qui faisait la météo à la télévision, là, une animatrice populaire qui est morte récemment d'un cancer. Très jeune, mais elle avait un cancer il y a 15 ans. Oh. Qui a été... j'ai de la misère avec les mots aujourd'hui, là, mais qui a été... Elle a connu une récidive. Ben, en fait, elle a été vaccinée. Dis pas, mais elle est vaccinée. Puis elle vient de décéder du cancer, non? Quand je disais que l'armée américaine, il y a quelques entrevues qu'on avait faites, je vous disais que l'armée américaine avait sorti des données après un an de vaccination des soldats de l'armée. Puis les statistiques qui sortaient, c'était terrible. 300 % d'augmentation de cancer, 400 % d'augmentation de ci, de cardio, de virus comme le sida, des choses. Ils sont en train d'injecter aux gens n'importe quoi. Pour les rendre malades, tu sais. C'est boulac. Mais les cancers, c'est fulgurant. Puis au Québec aussi, en passant. Ah, mais il y a des gens qui vont dire il y a une augmentation des cancers parce que pendant les 2 ans, les gens n'ont pas été aux tests de dépistage parce qu'ils ont trop peur de la COVID, puis la COVID a été priorisée, ce qui a eu fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de retard qui a été pris dans le réseau de la santé pour traiter le cancer, entre autres. Ah bon? Ben pourquoi qu'ils nous disent que 90 % des Québécois sont vaccinés? Pour être vacciné, il faut que tu aies été testé. Bullshit. Bullshit. Si le monde est vacciné à 90 %, 95 % comme ils disent au Québec, pour qu'il y ait eu un test, pareil, ils font tous des tests. Ben, attends une minute, là. Il y a des gens qui se font vacciner contre la COVID et ne sont pas testés. Ben, moi, je pense qu'ils passent le test avant pareil, non? Non, non. Quelqu'un se présente pour un lieu de vaccination, se fait vacciner. Il est pas. Ben, c'est-à-dire que. Attends une minute. Parce que Si. les taux de cancer, s'il reste un 5-10 % de gens pas vaccinés au Québec, là, mettons, c'est ce qu'ils disent. Parce que moi, je vous le dis, je les crois pas. Mais partons de leurs statistiques. Oui. Ils disent que 90 % des Québécois, au moins, qui sont vaccinés. Comment expliquer? J'ai perdu le fil. Torieux, j'ai de la misère. Je m'excuse tout le monde. Ce soir, je trouve que j'ai de la misère un Ben, peu. comment expliquer qu'il y ait autant de cancers? Ouais, mais ils disent que c'est parce qu'ils se sont pas rendus pendant le temps du COVID par peur d'être quoi? Vaccinés? Non, d'être contaminé par le virus. Et par le virus, OK? Donc, la personne a tellement peur du virus qu'elle ne se présente pas à l'hôpital ou elle ne fait pas les examens là, ou annuels pour voir s'il y a un cancer potentiel. C'est ça qui ferait qu'il y aurait une augmentation de cancer présentement. C'est une hypothèse qu'on nous présente. Ah ouais, OK. Ben moi, pour moi, ça ne tient pas la route, mais là, je perds le fil. Ben, moi, j'évalue qu'en effet, ça peut être un facteur dans le sens que si la personne n'y va pas pour la mammographie ou d'autres tests, puis le cancer n'est pas repéré en temps, ben c'est sûr que la personne risque plus de le développer ou de mourir ou que ça soit pris tardivement, là. Oui, mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est qu'il y a combien de Québécois sans médecin comme moi? Moi, j'ai plus de médecin. Mon généraliste de médecin, il y a un an et demi, il a sacré tout ça là, 8 000 clients sur la table, puis bye bye, je m'en vais ailleurs. Il y a combien de Québécois, pas de médecin? Ça aussi, ça joue sur ces cancers non détectés à temps. 100% d'accord avec toi. Il y a plein de données qui ne nous disent pas. Fait que moi, pour moi, c'est de la bullshit. Ça, c'est trop facile, là, de dire rien que ça. Je sais pas. Il y a quelque chose de. Pour moi, il y a quelque chose qui est. Les données sont difficilement contextualisables. Moi, c'est sûr que je Cardiopathie suite à la vaccination, c'est quoi ça? C'est parce qu'ils ont attendu de faire une crise de cœur après la vaccination? C'est ça? Je sais pas, moi, qu'est-ce qui est rendu là? Ils vont dire n'importe quoi. Il y a plein de gens qui font des cardiopathies, les jeunes, hein? 30-40 ans sont très frappés par ça. Ah, ça donne de même. T'sais, les jeunes sont plus sédentaires. À cause de la COVID, ben, ils pouvaient plus faire leur hockey, fait qu'ils jouaient plus à des jeux vidéo. Donc, Y a toujours moyen de mentir, non, non, hein, mais là. c'est sûr, mais on peut toujours faire l'avocat du diable par rapport à n'importe quelle donnée qui est présentée. Puis finalement, par rapport à toutes les questions, je suis toujours confronté à trancher vibratoirement sur ce que je fais ou ce que je fais pas. C'est sûr que, Je vais t'en poser une question. Comment oui. tu prends tes décisions, toi, quand tu as décidé, mettons, je me tue. Là, comme là, tu n'es pas vacciné, mettons, tu ne veux pas te faire vacciner. Tu prends tes décisions comment? Sur une vibration? Comment tu regardes ça comment? Bien, pour la question de la vaccination, j'ai posé la question intérieurement. J'ai-tu à être vacciné? Ça me dit non. Puis je me suis pas fait vacciner. Il n'y a pas eu trop de réflexion. Mais une des décisions pas évidentes que j'ai prises, Ce que je te dirais, c'est la décision au mois de au début janvier 2022 d'œuvrer pour avoir un enfant avec ma compagne, là. Félicitations. Comment? J'ai dit félicitations en Oui, ben passant. oui, parce que ça a marché à peine quelques mois après. Mais c'est Oui. une décision qui est difficile pour moi parce que j'ai eu comme un élan intérieur d'aller de l'avant avec le projet, là, sans réfléchir. Puis après ça, quelques secondes, tu sais, j'avais proposé, j'ai hésité, là, je suis ascendant en balance, là, fait que des fois, je fais le yo-yo. Mais mon Entre intuition de base, c'était d'aller de l'avant avec le projet d'avoir un enfant. Puis là, j'avais dit ça à ma compagne. À un moment donné, j'ai dit, ah, finalement, à cause du contexte mondial, blablabla, puis finalement, non, on va de l'avant, même si j'avais peur un peu en tant qu'ego. Là, on va voir qu'est-ce que ça va donner, parce que ma compagne, en tant que telle, est injectée deux doses avant de tomber enceinte. Là, c'est sûr que bon, elle n'est pas injectée quatre doses, mais quand même, elle est exposée à la substance. Mais même à ça, ce que ça me dit intérieurement, c'est d'aller pareil avec le projet d'avoir un enfant. Donc, je vais voir où. De toute façon, ce n'est pas tous les vaccins qui avaient la charge parce que là, ils découvrent que ce n'est pas tous les vaccins qui étaient ARN messager. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Dans les vaccins Moderna, mettons, il y a 30 % de ces vaccins-là qui ont un contenu différent des 70 autres %. C'est la même chose avec Pfizer. Puis dernièrement, ils ont découvert que dans les vac certains vaccins, ben, dans les vaccins de Pfizer, là, il y a eu espèce de petit ver noir qui bouge, les gens injectés, mais c'est 30 % de la population mondiale qui a été injectée à ce niveau-là d'une façon ARN messager bizarre, mais les autres, c'est d'autres choses. C'est pour ça qu'on ne voit pas le monde tomber en morceaux rapidement, là, parce qu'ils vaccinent, sont assez intelligents, même si on dit qu'ils sont dommés, ils ne sont pas si dommés, là, je veux dire. Il faut qu'ils y aillent par étapes, c'est un plan. Fait qu'ils vaccinent comme ils font, là, 3 doses, 4 doses, puis à chaque fois, ils en rajoutent un peu. Il y en a de plus en plus qui y passent. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des placebos ou quelque chose d'autre. En tout cas, je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Je vais être aux premières loges. Ma compagne est injectée deux doses. Fait qu'on va voir si, premièrement, elle va coucher dans quelques mois, si le bébé va être viable, et ainsi de suite, là. Parce qu'elle, elle a des amis qui, alors qu'elle était enceinte, ont été injectés. Elle en a au moins deux qui ont Enceinte. Pendant qu'elle est enceinte. enceinte. Oui, pendant qu'elle était enceinte, elles ont accouché. Puis, ce qu'elle me dit, c'est que l'accouchement s'est bien passé. Le bébé est normal. Puis là, ça fait quelques semaines que ces enfants-là seraient nés. Selon ce qu'elle dit. C'est sûr qu'on va voir sur 15 ans ou 20 ans qu'est-ce qui va arriver de ces enfants-là par la suite. Mais c'est sûr que j'avais un questionnement à ce niveau-là. Mais c'est sûr, j'avais l'impulsion vibratoire d'aller pareil de l'avant avec le projet. Là, ma compagne n'a pas l'intention de se faire injecter trois doses, quatre doses, là. Elle trouve ça spécial, là. Mais ça, j'en avais déjà parlé, là, qu'on allait vers un agenda où ce que la personne se ferait injecter à plusieurs années, là, ça serait une forme d'abonnement. Oh oui, il prévoit à peu près 3 vaccins par année. Trois injections par année. C'est aux 3 4 mois. Un traitement, c'est exactement ça. Ça, c'est une question que je me suis toujours dit. Le vaccin, c'est one shot. Comment ça va être 2 fois, 3 fois, quatre Ben, il y fois? en avait déjà. Comme moi, par exemple, j'avais été vacciné contre l'hépatite B, puis c'était un vaccin en deux doses. Il y avait une première dose, puis une dose de rappel. Mais c'était pas une dose de rappel aux 3 mois, là. T'sais, c'est-à-dire que ça a une validité sur plusieurs années, là. Puis je sais que des vaccins, il y en avait des deux doses, mais c'était sur plusieurs années, là. C'était pas une espèce de. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une vente à pression, là. À tous les 3 4 mois, il faut que tu reprennes ta dose. Puis, tu sais, c'est comme une pompe à cash pour des multinationales. C'est sûr que, tu sais, si Raison que tu. c'est de la pompe à cash. Ben, c'est ça. Si tu gardes une population mondiale en otage, puis tu leur fais peur avec la menace d'un virus, puis toi, ça te permet d'empocher des milliards à tous les trimestres parce que les gens se font injecter massivement. Une substance, c'est sûr qu'ils ont intérêt à ce que le cirque continue puis ça dure le plus longtemps possible, un peu comme la personne qui va traiter le diabète en donnant de l'insuline, puis ça fait un client à vie la minute que la personne est atteinte du diabète, puis là, ça y prend un traitement à tous les mois. Bon, mais si la personne elle se rend jusqu'à 90 ans, elle va avoir fait enrichir en maudit l'industrie de la vente de l'insuline. Ben oui. Oui, je comprends. Ben, c'est exactement un peu le plan, mais j'essaie de configurer pour moi-même de me faire Oui. vacciner aussi souvent. Il n'y a rien à faire, là, ça ne me rentre pas dans le corps. De toute façon, moi, ce qui rentre dans mon corps, c'est ce que je veux et non pas ce que les autres veulent. Alors, mon corps, pour moi, je suis souveraine. Hein. Mon corps, ça m'appartient. Tu sais, garde un paradoxe. Mon corps, mon choix, on entend ça, là, des démocrates puis des woke, la planète, là. Ouais. Mon corps, mon choix, hein? Ben, j'aimerais ça que ça s'applique aussi là. Mon corps, mon choix, là. Par rapport au vaccin, pas juste la question de l'avortement. C'est ça. Fait que ça fait, c'est mon corps, mon choix quand ça fait les affaires. Puis quand ça fait plus les affaires, ben, ah ouais, va te faire vacciner, câlisse, tu sais. Non, je suis désolée, là. Puis là, il y en a qui vont dire, ben oui, mais c'est pas pareil, parce que c'est dans la population. Ah ouais. C'est une grippe. Depuis quand? Pourquoi que on n'a pas commencé à vacciner bien avant ça? La grippe. Les gens qui se font vacciner par de la grippe à chaque année depuis des années, ils ont toujours la grippe. Le virus du sida. C'est un virus, le sida. Sont-ils capables de le traiter? Pas tout. Avec un vaccin. Bon, il y a bien plus de monde qui meurt du sida avant l'injection qu'ils nous ont projetée qu'il y en a une mort de la grippe dans l'année qu'on parle 2020. Il y a plus d'enfants dans le monde qui meurent de faim que ça. On s'en calisse! Allez vacciner les enfants anti-faim, je sais pas, mon avis. Non, mais c'est des millions, 25 millions d'enfants par année qui meurent de faim. Allô? Pas Allô? fin ce que tu dis, Mona. Oui, je suis fine. Je suis très fine pourtant. C'est pas fait pour les mondialistes, mais je fais des blagues, mais Samuel Grenier l'avait soulevé, donc ce lanceur d'alerte québécois sur Facebook dans une de ses vidéos. Puis je suis d'accord avec toi, l'hypocrisie des gens qui vont parler de mon corps, mon choix, là, présentement, alors que depuis 2 ans, ils vont culpabiliser les gens qui se font pas injecter. C'est ça. Puis là, d'un coup, mon corps, mon choix. Mais Ben, moi, ça je suis s'applique, content. là. Moi, je suis content dans cette histoire-là parce que depuis le début de la campagne de vaccination, j'ai toujours été pro-choix en disant, ben, les gens, si vous voulez vous faire injecter, ça vous appartient, c'est pas de mes affaires. Moi, je maintiens le même discours, mais eux autres, ils se portent à faux parce qu'au début, non, non, ils forçaient les gens à se faire injecter. Puis là, l'avortement, non, non, c'est un choix individuel. Hey, Chris. Oui, Chris, oui, je suis Oh, oui, ben d'accord. non, mais ça me met en colère. C'est tout Moi aussi. d'hypocrisie qui est alimentée par les médias. Puis, Comme ils nourrissent les mensonges sur la guerre en Ukraine. C'est pour ça que je dis, ils nous mentent tellement. Comment on peut croire aujourd'hui qu'on est 8 milliards? Qu'est-ce qui me dit qu'on est vraiment 8 milliards, moi, vierge? Non, Ben, rien. exactement. Puis ça, c'est sans compter la possibilité que d'être d'autres humanités ou des êtres en parallèle. Tu sais, s'il y a des extraterrestres dans l'Antarctique ou dans l'Arctique avec des bases, puis ils sont plusieurs milliers, ben là, Chris, on est plus que. Sans compter les bases souterraines, sans compter les êtres de l'astral, ben là, j'élargis sur d'autres dimensions en périphérie de la Terre. Hein, on est nombreux, en tout cas. Ben, on est nombreux, mais on ne sait pas vraiment. Le point, c'est que comme ils nous mentent beaucoup puis qu'ils nous manipulent, ça devient extrêmement difficile de les croire. Tu sais, ils nous parlent de la crise de plan vert. Là, il était le plan vert. Il faut appliquer le plan vert, puis le plan vert, puis il faut être vert sur la planète. Il faut que le chien en Europe, Macron et compagnie, Bidon et compagnie, avec la Russie et l'Ukraine, là, il y a des boycotts du pétrole russe, puis gna gna gna gna. En passant, là, la Russie vend le pétrole moins cher en Afrique parce qu'ils ont moins d'argent. Hein. Fait que s'ils voulaient crosser quelqu'un, Poutine, il vendrait son prix du pétrole en Afrique au même prix qu'il vend aux Européens ou ailleurs. Mais il le fait pas, il vend moins cher en passant. Mais ceci étant dit, là, pour contrer leur propre. Parce qu'ils arrêtent tellement pas de faire comment on appelle ça, contre la Russie, ils essaient Ben, c'est de la de propagande, là. Ils essayent de dénigrer. les mesures économiques contre la Russie en essayant de Ben oui, la guerre économique. merci, des contraintes économiques, mais là, c'est eux qui se retrouvent pognés avec les contraintes parce que là, ils veulent plus ach ils achètent pas de gaz, d'huile, De de pétrole gaz à la Russie. naturel de la Russie. Là, l'Allemagne puis la France sont dans la mort. T'as-tu qu'est-ce que le plan vert? T'as-tu qu'est-ce qu'ils font repartir? Lui, central à charbon. Youhou! Ça, c'est vert en crise dans la vie, le charbon. Pas de problème. Hey, gang de paix! Puis les États-Unis vont faire pareil. S'ils sont en manque d'énergie, ils vont repartir le central de charbon. Ah oui! Mais on est dans un plan vert. Hey, c'est comme mon choix, mon corps, ça. C'est vert d'un bord quand ça fait les affaires, puis c'est noir de l'autre bord quand ça fait les affaires. Non, excusez-moi, plus rien ne m'emballe. J'y crois plus. Ça fait 20 ans qu'ils nous disent la fin du monde, qu'on va mourir à cause de la planète polluée. Ça fait 20 ans qu'ils nous disent. Ils n'arrêtent pas de nous faire peur tout le temps. Fait que commençons. Moi, pour moi, la guerre qui se passe vraiment sur la planète est ici dans nos deux oreilles. La peur. Et j'en connais tellement de monde qui ont peur. Pas rien que du COVID. Il y en a qui ont peur de leurs ombres. Exactement. Et il y a une propagande de peur virulente dans les médias qui est véhiculée. Ben en fait, je dirais que c'est depuis le début des médias, là. C'est toujours qu'on manipule les gens par la peur. La peur, va capter l'attention des gens. Exact. Puis ça La peur, crée. c'est le peu. Si on parle de gens conscients et sensibilisés, comme je pense que je m'adresse aux gens, le plus important, c'est de regarder ce qui nous fait peur. On va revenir à l'individu, là, une fois le topo politique, économique, mondial, géopolitique. Notre propre défi, là, c'est d'arrêter de chier dans nos culottes puis de se tenir debout. Être souverain, c'est ça. Moi, je l'ai toujours dit. Puis des fois, je crie dans mon téléphone parce que je sais que je suis sur écoute, parce que je vis du shadow ban dans mes affaires. En tout cas, ça se passe toutes sortes d'affaires. Des fois, j'envoie une blague. Pensez-vous que vous allez m'avoir, gang de trou de cul? Oubliez ça. Si tu tireras à bout portant, je me plierai jamais les genoux. J'aime mieux crever que me plier à leurs affaires. J'aime mieux. Tu sais, c'est qui a dit? C'est-tu Bertrand qui disait ça? Mener, dis-moi, s'ils me mettent la tempe sur la tête et ils me font choisir entre être vacciné ou ça, tu vas dire tire. Ben, moi aussi. Tire. Parce que de toute façon, on sait très bien qu'il y a d'autres choses qui existent ailleurs, puis que ma vie n'est pas limitée à ce petit corps qui me fait souffrir. Alors, tirer, mais jamais je vais plier les genoux parce que je veux combattre la peur. Pas licher le cul, puis faire ça. Non, puis je le fais pas. Je suis quelqu'un qui, tu me connais, puis je suis quelqu'un qui se tient debout dans le mur. Je m'assume complètement. J'ai pas toujours raison pour les autres, mais j'ai toujours raison pour moi-même. Donc moi, je me tiens debout dans la vie. Je reste dans mes culottes, puis le reste, on verra. Mais c'est sûr que je plierai jamais à ça. C'est du chantage, c'est de la propagande, on le sent, hein? Oublie le discours intellectuel, là. C'est terrible, le monde. Les gens ont perdu leur joie de vivre. Faut venir, faut. Tu sais, je regarde dans la campagne ou à Montréal, là, c'est pareil. Les gens, ils ont l'air. Ils sont déprimés, c'est plate, c'est lourd, c'est pas le fun. Moi, je fuis le monde au maximum parce que je suis mieux tout seul qu'en société présentement. Même aller faire l'épicerie, je trouve ça pénible. Je reviens à la maison, j'ai mal au bas du dos parce que c'est trop, il y a trop de tension. Tout le monde a l'air de bœuf, il n'y a plus de sourire. Ils sont vraiment en train de déshumaniser les rapports humains, là. Puis les gens embarquent là-dedans parce qu'ils ont peur, mais Mais je pas suis tout le monde. Moi, j'ai été bon. surpris parce que je te dirais que depuis que les mesures ont tombé, les gens, il y en a plusieurs, à ma grande surprise, qui vont vers moi pour donner la main. Puis, tu sais, des gens que ça fait un bout de temps que j'ai vu. Comme aujourd'hui, j'ai revu quelqu'un que ça faisait un bon bout de temps que je l'avais vu. Puis, spontanément, elle vient me donner la main, tu sais. Donc, Ouais, mais ça, je ne sais pas si c'est parce que les mesures sont tombées et qu'ils ne s'inquiètent plus. On verra, là, parce que là, ils recommencent la campagne de peur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis, mais c'est le même phénomène qu'au mois de juillet l'année passée. Parce qu'ils ne sont pas très créatifs, là, là-dessus, je dois l'avouer. Ils répètent tout le temps les mêmes affaires. Mais Là, c'est nouveau parce que là, c'est la politique vive avec le virus qui est mise en place. Ben, moi, c'est pas ça que j'entends à la TV. La septième vague, l'importance d'aller vous faire Oui, c'est vacciner, ça, mais je veux dire, la nouveauté, c'est que. gnagnagna, puis. C'est pas plutôt vivre avec le vaccin que tu veux dire? Non, mais je vais apporter quand même une nuance, là. C'est OK. que le ministre Boileau, il disait, j'écoutais le bulletin de nouvelles aujourd'hui avant qu'on se parle de TVA, et ce qu'il mentionnait à l'écran, c'est qu'il n'avait pas l'intention de revenir avec des mesures, même si les journalistes, comme il y a un an, mettent de la pression sur le gouvernement pour en revenir avec le port du masque et ces choses-là. Il a dit non, là, la politique, c'est vivre avec le virus. Ah, on verra ça, parce que Dubé, ce ne serait pas son premier mensonge. Non, exactement. Mais. Dubé, hey, excusez-moi, là, plus crosseur que ça, tu meurs. Lui, il peut te mentir d'en face en te regardant les deux yeux bien droits, là, puis il n'y a pas de problème. Je ne le crois pas quand il dit ça. Moi, je pense Ben qu'au contraire. en fait, c'est Boileau, c'est pas Dubé là, qui Ça donne affirmait ça. un petit lousse, là, puis après ça, je vais venir t'étrangler un petit peu plus. Comment qu'il appelle ça, Alexis, le Norton, Dorton, là? La fenêtre, je pense que c'est Dorton. Ça. Le phénomène que on crée une tension, on t'enlève des droits, puis là, après ça, on te lâche un petit peu pour que. Là, on te ramène dans. C'est comme C'est un utiliser une mouvement soupape de. de sécurité pour pas que la personne craque puis elle se révolte contre l'agresseur. Faut pas que. Ouais, c'est ça exactement. C'est comme une façon de progresser d'une façon pas à pas. Ils sont très, très, très stratégiques là-dessus. Fait que moi, je pense que Dubé, c'est ce qu'il applique là. Mais en fait, ici, c'était Boileau qui a OK. déclaré ça, là. Mais bon, il fait partie quand même du gouvernement comme Dubé. Mais. Ben, Arruda était tellement drôle. Boileau, il est pas drôle, là. Il est plate à mourir. Là. Si on dirait une machine. Oui, mais en même temps, comme je te l'avais déjà dit, le gars, il n'est pas embauché pour être un stand-up comique ou un humoriste, là. T'sais, il est là pour supposément présenter de l'information qu'il va véhiculer à la population pour la renseigner sur l'état de la situation. Ouais, mais au moins, il y avait des fuites avec Arruda. Lui, il n'y a pas de fuite. Un mur. Mais Arruda, il y avait des fuites. Il se rendait pas. C'est un homme tellement émotif qu'il y avait des fuites. Il a dit plein. Il a fait plein de déclarations où il se contredisait. Ben, c'est ça, il s'est mis en boîte parce qu'il était impulsif. Oui, c'est Tandis ça. que Mais l'autre, on sent que pour le ça. discours est plus contrôlé, ce qui fait en sorte qu'au niveau intellectuel, il va peut-être faire moins d'erreurs qu'Arruda, qui était Non. plus. Oh! Non. Il est plus dangereux qu'Arruda, justement. C'est ça que tu vois pas pour moi. Parce qu'il est plus frais, puis plus manipulable. Il est capable de manipuler encore mieux. Non, c'est ça que je te dis. Il est capable. Ce boileau-là, il y a quelque chose de pas bon là-dedans. C'est pire qu'Arruda, ça. Ça, c'est encore plus. Tu vas voir, on verra à l'automne ce qu'il dit, boileau, on verra bien. Oui, bien, ça va être un dossier à suivre. Au niveau de l'agenda, c'est sûr que ma curiosité, c'est de voir par rapport aux élections québécoises, parce que le 3 octobre 2022, il est prévu d'y avoir des élections. Donc, dans le cadre de la crise sanitaire, la façon que je vois ça, c'est que si le nombre de cas augmente, puis ils reviennent avec le port du masque dans les lieux publics, probablement qu'Éric Duhaime, il va augmenter parce qu'il va rallier les gens qui sont contre les mesures. Par contre, si François Legault, puis le nombre de cas augmente, puis il ne met pas en place davantage de mesures, ben à ce moment-là, il va perdre de sa crédibilité là, par rapport aux gens pro-mesures. Je ne sais pas. C'est du seul à. Je suis pas si sûre que ça, qu'il y a autant de Québécois qui suivent Legault que ce que les sondages payés par des Léger et compagnie, des petits amis de Legault disent. T'sais. Vous avez pas vu à la Saint-Jean-Baptiste comment il s'est fait huer, Legault? Pas rien que là, il y a plein. T'sais, je sais pas. Moi, je pense que ce qui va. Ça se peut que la CAQ rentre encore à l'automne, mais je crois que le Parti conservateur va créer une opposition nécessaire, importante. Moi, j'aimerais mieux que ce soit les conservateurs qui rentrent pour une raison très simple, pour rien que débarrasser à la table d'eux autres puis passer à autre chose. Je dis pas qu'il est mieux ou pire, je ne sais pas, il faudrait l'essayer pour le savoir, comme je dis. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a tellement fait d'annonces publiques que lui, il respecterait les choix de tout le monde que tout, qu'il serait un peu fourré de nous embarquer dans d'autres choses, éventuellement. Mais moi, je pense que c'est important de débarrasser de Legault et sa gang parce que c'est vraiment des fascistes, ça. Bon, ouais, ben, c'est sûr que la CAQ, en termes de contrôle de population, de restriction des droits et libertés, depuis le début de la gestion de crise, à mon avis, le Québec, c'est un des pires endroits en termes de gestion de crise dans le monde. Là. Si on se compare juste aux nos voisins du sud des États-Unis, des États comme le Texas, on est à des années-lumière de ça, là. Oh, oui, mais on est l'État le plus on est l'État le plus dominé dans le monde présentement avec Israël. Pourquoi ils peuvent faire ça? Parce qu'on dort à sa switch puis on a peur. Et moi, s'il y a une déception, que j'avais une déception à vivre, c'est ma déception, c'est d'avoir pensé que le peuple québécois était plus éveillé que ça. Mettons que j'ai digéré la chose, puis j'ai éliminé la forme pensée. La mémoire est modifiée, mais ça a été ma plus grande déception dans les 2 dernières années. Je savais que dans le monde, il n'y avait pas beaucoup de gens, dans le monde en général, là, je ne parle pas d'un pays en précisément, mais c'est pas hyper évolué, tu sais, dans. Ben non, exactement. Puis moi, je suis en contact avec des Européens, il y en a plein, puis ça me met en colère. Ils disent « Ah, moi, j'aimerais ça immigrer, puis venir vivre au Québec, puis vous êtes privilégiés, vous êtes contact avec la racine de l'instruction supramentale, d'où vient Bernard, gnagnagna. » J'ai dit « Chris, les gens éveillés, ça court pas les rues ici. Non, pas » Ben vraiment. c'est ça, mais ils me croient pas, Chris. Je vous le dis, mesdames et messieurs, les Français de la planète et toutes les langues françaises de l'Europe, c'est pas vrai. Le Québec, ça a été ma plus grande déception parce que j'ai cru, moi aussi, j'y ai cru, on a cru, ben, j'ai cru que parce que Bernard était ici puis qu'il y avait eu le développement du Fromental. Eh bien non, mes amis, je suis désolée de vous apprendre que c'est pas réel. Le Québec est bien endormi, puis les régions surtout. Je parle de ma région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est terrible. Si plus endormi que ça, tu meurs. Je pense qu'une vache est plus vivante que ça. Mais en même temps, les villes, les grands centres, si on pense à Montréal, sont endormis par l'idéologie woke. Ben oui, mais ben, oui puis non. Moi, oui, je vois un changement depuis 15 ans, effectivement. Mais c'est pas si tant que ça, je trouve. C'est pas. Je dirais qu'il y a même plutôt des gens assez éveillés. L'autre fois, j'ai pris un taxi, puis c'était un Algérien. Écoute, on aurait dit qu'on se connaissait depuis des années. Puis l'Algérien, en tout cas, il m'a conté sa vie. C'était très intéressant. Lui, il était vacciné, mais là, il veut plus rien savoir parce qu'il commence à voir ce qui s'est passé dans son pays. Fait que les gens qui migrent à Montréal, il y a beaucoup de gens qui viennent de dictature. Puis que là, ils commencent, au début, ils font confiance parce qu'on est supposé être un pays libre et, cher Trudeau, un pays libre des droits et des libertés, n'est-ce pas? Mais là, ils découvrent que c'est plus ça. Là, j'en parle avec l'Algérien. J'ai une dame pakistanaise en face de chez nous, puis elle commence à. C'est bizarre. Ce que, tu sais, les gens, c'est plus des immigrants qui s'éveillent parce qu'ils ont connu ça. Ce que nous, Québec, on n'a pas connu. Ben, pas rien que les Québécois, mais nous, on n'a pas connu même la Grande Guerre, là, notre génération, la mienne, la tienne, encore moins. Bon. Tu sais, Exactement. on n'a pas vraiment d'historique non plus. On a quoi, 400 ans à peu près, là? On n'a pas un. Puis je pense que c'est là où on s'est mélangé pompon, quand Bernard nous disait que tu sais, Bernard parlait de développement supramental, pourquoi ça peut partir plus d'ici? Parce que c'est une terre plus jeune, il y a moins de mémoire, l'égrégore même. Mémoriel est moins fort, donc il va avoir moins de résistance mémorielle à l'instruction Franchement. et Mais ça. c'est ce qui se passe, exactement ce qui se passe. Ils ne résistent pas aux technologies. Ils pensent. Mon comptable, j'ai tellement ri. Mon comptable, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe avec la technologie? Bon, on rentre dans tout ça. Il dit, mais oui, mais c'est intéressant. Il dit, si la technologie pourrait permettre de remplacer un bras par une prothèse fonctionnelle comme un bras d'intelligence artificielle, ben, bien. Je dis, oui, j'ai dit, c'est super, c'est vrai, Claude, mais le problème, là, c'est qui mène ça? Qui a entre les mains le contrôle de ces technologies-là? C'est pas du monde qui veut notre bien. C'est ça le problème. C'est pas la Oui, ils technologie le veulent problème. notre bien, mais dans le sens avoir nos avoirs, l'argent. Vous serez heureux, vous n'aurez plus rien. En passant, le crédit social s'installe au Canada, les amis. Le gouvernement du Canada de Trudeau est en train d'essayer de préparer une loi pour, comment qu'ils appellent ça, le montant d'argent, toi et moi, là. Le revenu minimum garanti. Ouais. Ça fait partie du programme de Schwab, là. Fait que si on se réveille pas au Canada, on va se retrouver dans une dictature. C'est exactement ce qui va Oui, arriver si on bien, se on a eu un avant-goût de tout ça, un dangereux précédent il y a à peine quelques mois, quand il y a eu les convois de la liberté et des comptes financiers ont été gelés par les autorités canadiennes par rapport à des gens qui recevaient là, des contributions financières parce que c'était des activistes, là. Les dons des gens, c'est des gens hein, qui donnaient de l'argent. Ils ont bloqué les comptes, ouais. Fait que là, c'est une type d'ingérence qu'on peut voir dans des dictatures comme la Chine, là. On parle de faire de l'ingérence au niveau financier. Mais en prétextant que c'était pour bloquer, je sais plus trop quoi, là, des fonds venant des étrangers quand c'est pas vrai, c'était tous des particuliers, là, puis ça a été Mais démontré il que peut y c'était. en avoir de d'autres pays. Parce que j'avais entendu parler qu'il y avait des gens des États-Unis qui avaient donné de l'argent aux Canadiens, des convois pour la liberté, là, entre autres. Des individus, c'était pas des organisations ou des. C'était tous Mais des j'avais individus. entendu parler de la possibilité qu'il y ait des organisations qui chercheraient à déstabiliser la politique canadienne en les finançant pour créer de l'instabilité ici à leur avantage. Mais Oui. bon, c'est une possibilité, là, je me permets On de la parle pas soulever. dans le contexte des truckers. Ça, c'est dans le contexte d'infiltration à la Trudeau dans notre Canada, oui. Il y a des tentatives de déstabilisation qui sont reliées au Deep State. C'est des false flags qui appellent ou ils s'infiltrent dans nos systèmes avec toutes sortes de gens, des agents. Mais moi, je pense pas que dans le cas des truckers, en tout cas, moi, ce que j'en ai lu du rapport final, là, parce qu'il y a eu un examen de qui contribuait, c'était 99% des individus qui viennent des États-Unis, mais principalement du Canada. n'y avait pas d'organisation criminelle reliée à ça ou quoi que ce soit, comme ils l'ont dit à la télévision. Mais moi, je trouve qu'il y a eu bien pire que ça il n'y a pas si longtemps, mais on ne l'a pas vu passer. Vas-y. La fête nationale du Canada, où ce que les policiers fouillaient, puis passaient le détecteur à des enfants de 7 ans avec les bras relevés de main, puis qui passaient comme en prison, là. Les gens ont accepté ça. Puis ils ne pouvaient même pas se rendre vers le Parlement. C'était bloqué. Ils avaient décidé que le Parlement y appartenait, à Trudeau. Mais en plus, c'est ça que je dis, les policiers scannaient les enfants, tabarnak. Des enfants. Allô? Réveillez-vous! Écoute, Oui, de mais sept ans, les bras dans les airs, là, comment? Tu sais, ils te scannent partout, ils te passent le bâton entre les jambes. Voyons donc! Voyons! C'est la fête du Canada, on n'a plus le droit de fêter. Non, non, mais c'est parce que peut-être qu'ils se sentent de plus en plus menacés. Puis bon, c'est sûr que dans des pays comme l'Afghanistan, il peut y avoir des enfants qui se font exploser à la bombe. Ben oui, mais on est au Canada. On n'est pas en Afghanistan, là, Mais là, ici. ça se peut qu'il y ait une escalade. Mais Peut-être, le point, c'est que avec les tensions sociales qu'il y a entre la population et le gouvernement, ça se peut qu'il y ait l'escalade de certaines personnes plus radicales. toujours l'excuse qu'ils donnent pour justifier le manque de liberté qu'ils nous donnent. On a le droit de manifester au Canada. Ben oui. Un droit. Mais on nous l'enlève. Les gens acceptent ça sous prétexte qu'on est des ci pis des ça, mais en passant, là, les problèmes de violence n'ont jamais été de la part des participants, ça venait de la police. Les plus violents, c'est pas les participants, c'est les Ben policiers. oui, les policiers au Convoi de la Liberté. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les différentes vidéos que j'ai observées, là. C'est ça. Fait que c'est pas les gens qui participent. J'étais à Ottawa, mon intra-coeur. J'étais allé, puis c'était très pacifique, mais qui était violent, c'était les policiers. Moi, j'avais été à la manifestation qui avait eu cours à Québec, du Convoi de la Liberté. Mais dans mon cas, bon, il n'y a pas eu de violence de la part et d'autres, là. Mais la foule était pacifique. Puis j'ai pas vu de gens avec des drapeaux, là, néo-nazis ou des trucs racistes, là. J'en ai vu aucun dans la foule. Dans les foules de genre de rassemblement, les drapeaux néo-nazis que tu parles, c'est des infiltrés. C'est ça. Il y en a eu un au Canada qui s'est présenté puis s'est fait encercler par la population puis ils l'ont sorti. Mais qu'est-ce que TVA a présenté puis Radio-Canada, le seul Christ de niaiseux avec son drapeau qui était d'un infiltré pour foutre la merde. Justement, c'était ça le but, filmez-moi, pour nous faire passer pour des cons. Ben, c'est ça, c'est discréditer le mouvement aux yeux de la population pour pas qu'ils s'y C'est ça. rallient. Puis là, après ça, Trudeau va dire, regardez, là, c'est une gang de néo-nazis qui était là, comme il l'avait déclaré, là, l'hiver dernier. Puis pendant ce temps-là, ben, on enferme des gens, tu sais, Amalega, François Amalega, qui a été 4 mois en prison sans aucune accusation. Pat King, qui est sorti de prison, il n'y a aucune accusation. 5 mois en prison, 150 jours en prison sans accusation. Excusez-moi, là, mais je suis en Chine ou au Canada, moi, Chris, ici, là. China. Mais pas Mary Lynch, comment elle s'appelle, la femme avec les truckers, là, Lynch? Bon, toi, il y a une autre femme, là, elle est encore emprisonnée sous prétexte qu'elle a pris une photo avec quelqu'un qui n'était pas supposé, là. Ils ont des conditions de sortie de marde. Tu sais, Pat King est sorti de prison, mais il ne peut plus parler à public, il ne peut plus faire ci, il ne peut plus faire ci, il ne peut plus faire ça. What the fuck? On est où, là? Au Pourquoi? Canada, tu sais, la blague là, tu fais la fusion du mot Chine puis Canada, ça fait Canada. Ouais, c'est de même que je l'appelle le Chinada bonjour. Puis Québékistan aussi. Vous devriez écouter comment il s'appelle Christian, c'est ce qui me fait rire, lui, débile, la gang de débiles. En tout cas, il parle de. Il traite Trudeau il l'appelle comme le président de la Corée du Nord, puis. Oung, gang, young, Trudeau, je sais pas. Il est très drôle, comment il s'appelle Christian. Moi, puis la mémoire, ça, c'est un Pas problème, grave. j'en ai de moins en moins, mes amis. Ah, pas drôle, pas de mémoire dans la vie. Mais il y a beaucoup de satire sur ce sujet. Mais en dehors de la satire, ce que je trouve triste, c'est qu'on nous enlève nos droits, puis le monde trouve ça normal. Puis j'en parle des fois aux gens. Je dis, voyons donc, depuis quand qu'on n'a plus le droit d'une opinion autre que celui du gouvernement? Ça a commencé avec le COVID. On n'a plus le droit d'aucune opinion autre qu'eux autres, sinon on est censuré, emprisonné, suivi. opprimés. Voyons donc, on est dans un monde de débiles. Oui, on est dans la rectitude politique, le politiquement correct, puis moindrement quelqu'un d'erreur, j'ai pointé du doigt, ou il est suspendu. Si on pense au prof d'université ici au Québec pendant 8 semaines qui est suspendu, là, parce que. Deux, hein, pas rien qu'un, il n'y a pas juste Provost, il y en a un autre OK. maintenant. C'est qui a été suspendu aussi 8 semaines à l'Université de Laval? 8 semaines de suspension sans solde. Monsieur Provost, un virologue reconnu mondialement, qui dit des conneries. Ben, c'est comme Didier Raoul en France, qui est un des grands virologues au monde, qui dit des conneries. Depuis quand? Depuis le COVID. Depuis quand ces grands scientifiques-là, tout d'un coup, deviennent des débiles? Puis en passant, là où je suis moi le cul avec le consensus scientifique, je suis sur le bord de péter une coche. Faut être idiot de penser ça. La science, par définition, c'est de l'opposition, des débats. Puis essayent toutes de se contredire pour pouvoir amener. C'est pas un débat, mais des chercheurs ils vont faire leurs recherches, puis ils se rencontrent, puis ils échangent des informations, puis ils se confrontent pour essayer de trouver des solutions, puis amener d'autres choses. C'est pas un consensus, ça. Il arrive à un consensus après plusieurs débats, des dizaines d'années de débats sur un même sujet. Là, il y a un consensus. Mais là, j'ai moi le consensus en 2 ans sur un vrai virus qui n'existait pas il y a 2 ans. Hey! Puis le crise de consensus d'experts qui nomment jamais, là, puis quand ils les nomment, c'est toujours les mêmes. Faut qu'on se réveille. Ils nous manipulent, les amis. Ils nous manipulent à fond la caisse. Fait que quand ils nous disent n'importe quoi, faut être conscient qu'ils nous disent n'importe quoi. Mais c'est ça justement, puis la désinformation qu'on vit présentement, en fait, depuis un peu plus de 2 ans, je pense que c'est très révélateur de la naïveté sociale. Bien, c'est parce que, oui, la désinformation depuis 2 ans, elle est beaucoup plus importante, mais ça ne fait pas depuis 2 ans qu'on se dit se fait désinformer. Je pense qu'on n'a jamais eu d'informations Bien, c'est complètes. ça que j'allais dire à la base de C'est ça qu'on découvre, c'est que ça fait combien d'années? Tu sais, il y en a qui vont dire 40 ans, 50 ans. Moi, je vais dire 300-400 ans qu'on nous ment. Qu'on nous ment, puis peut-être ça fait 2000 ans qu'on nous ment, ou 10 000 ans. Tu sais, c'est dans. Regardons nos rapports humains, le déni. T'sais, le déni, c'est un mensonge, le déni. On se ment à nous-mêmes, mais c'est un mensonge. Fait que c'est l'humain ment. Quand il y a trop d'ego, là, puis qu'il n'est pas très, très travaillé, c'est ça que ça ressemble à un humain. Ça ment, ça manipule, puis ça veut arriver à ses fins, à sa façon. Ben, c'est la même chose. Je ne vois pas pourquoi les gens des corporations ou les gens qui dirigent des banques ou des pharmaceutiques sont différents. Pensez pas qu'ils sont différents de nous. Ils Non, sont non, pas. ben ça fait penser au documentaire, dans le fond, la Corporation, qui avait été diffusée il y a quelques années, où il présentait le diagnostic pour établir si quelqu'un est un psychopathe. Puis chacun des critères, il l'appliquait à des corporations, puis il trouvait que ça concordait. C'est peut-être pour ça qu'on les appelle des psychopathes. Je ne veux pas. Ah, je ne veux pas, ça c'est Si intéressant. tu as la chance de tomber, puis les gens qui nous écoutent sur le documentaire La Corporation, c'est très bien fait. OK. Puis là, un des critères, c'est absence d'empathie. Puis là, ils montrent, mettons, une décision d'entreprise où ils ne font pas preuve d'empathie, ainsi de suite. Là. Il y a plein de critères. Il y a eu tellement d'empathie pour nos aînés mal pris dans les CHSLD depuis 2 ans, c'est effrayant. On les aime tellement qu'on les tue. Ben, en fait, on les laisse mourir. Ben, non, non, non, non, on les tue. Ben là, je veux dire, il y a pas des gens qui sont rentrés avec des fusils pour les tuer, là. Comment arrêter de nourrir des gens, de plus t'en occuper, puis de fuir tes responsabilités si c'est pas tué par involontaire, soit-il? C'est tuer du monde, ça, c'est-tu? Ils dépendent de toi pour chier dans les culottes, puis les laisser mourir dans les urines. Voyons! C'est un meurtre! Arrêtez d'avoir peur des mots, les amis, c'est des meurtres! Ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que les préposés et autres ont déserté le domaine hospitalier, ont eu tellement peur à cause des médias qui disaient que c'était épeurant la COVID, qu'ils ont déserté. Fait que c'est le gouvernement complice des médias qui a créé cette situation-là en mettant l'emphase sur la dangerosité et la gravité d'une manière exagérée de la COVID. C'est ça. Puis puis ils sont morts parce que par négligence, c'est une forme de meurtre, C'est un ça, meurtre mais par je veux dire, c'est négligence. pas intentionnel, là, dans le sens que la préposée qui a eu peur, si admettons, elle a eu sincèrement peur de la COVID, elle n'a pas dit je vais délaisser personne âgée pour qu'il meure. Elle a plutôt dit ben je vais sauver ma peau puis peut-être la peau de mes enfants aussi, pour pas les contaminer si c'est vraiment mortel, comme ils disent à la TV. Oui, je suis d'accord. Fait que là. Je suis d'accord avec toi, mais il reste quand même que c'est des mœurs pareilles. Que ce soit commis par les. C'est pas commis par les gens directs. C'est sûr que les gens tu sais, les infirmières ou infirmiers, ils vont pas chercher à te tuer, là, c'est pas l'idée. Exact. Mais en ce. Tu sais, je connais plein d'infirmières d'un certain âge, là, qui. D'ailleurs, il y a une infirmière qui l'exprimait, qui disait que ça, son plus, qu'elle était pas pour la vaccination obligatoire puis ces affaires-là. Puis elle dit, mes pires ennemis, c'est mes propres collègues. Ça fait peur, ça, là. Dans le sens que Elle vit une pression. J'ai une amie aussi, deux infirmières que je connais qui sont pas vaccinées puis qui se font harceler par le collègue infirmier d'aller se faire vacciner. Tu sais, en tout cas, bref, on sait bien que c'est la propagande gouvernementale et journalistique qui a créé toutes les morts qu'on a vues, la panique dans les employés des CHSLD, tout ça. Mais pour moi, que ça demeure une tentative de meurtre pareil. Le but, c'était d'en éliminer. Tu sais, 97% des gens qui sont morts de la COVID sont morts dans les CHSLD de 82 ans et plus de moyenne. La moyenne d'âge était 83 ans. 97%, les amis, il n'en reste pas bien ben du monde, 3% de la population du COVID. Ça, c'est sans avoir nettoyé les données du gouvernement qui nous a dit qu'il avait compté tout le monde, là. On n'a pas élimi... Ils n'ont pas corrigé ça encore. En passant, c'est le seul crise d'État dans le monde qui n'ont pas corrigé les données parce qu'ils mettaient toute COVID, hein, il le dit, là, à un moment donné, toute personne en contact qui rentre dans le COVID est nouée, puis on fera le ménage plus tard dans les données. Ils ne l'ont jamais fait. Fait que quand ils disent qu'il y a tant de personnes qui sont mortes du COVID, on ne sait pas vraiment non plus. Ça Non, aussi, c'est c'est ça, parce qu'il y en a qui ça peut être le cancer. T'sais, la personne est atteinte d'un cancer en phase terminale, où il y avait un jeune dans un article de TVA. Le gars, il avait une affaire comme 27 ans. T'sais, il meurt du cancer du cerveau. Puis en tête de l'article, c'est qu'il perd son combat contre la COVID. Mais oui, Chris, il était atteint d'un cancer du cerveau. Ben, c'est ça. Ben oui, mais c'est ça les données qu'on dit qui sont fausses les données du gouvernement du Québec, qu'on appelle l'INESPQ. Ils n'ont pas nettoyé ces données-là, puis ils l'ont dit qu'ils avaient pris tout le monde comme ça, mais qu'on allait faire le ménage éventuellement. Ça, c'est comme nos droits et libertés. Ils nous enlèvent en disant, ça va revenir, puis ça revient jamais. Ben, quoique là, cet été, ils m'ont surpris, parce que moi, j'avais l'impression que la minute qu'ils mettaient en place le passeport, c'était irréversible. Donc, je pourrais plus jamais retourner au restaurant. Fait que finalement, ils ont restauré, ils ont fait tomber le passeport. Il n'est pas tombé le passeport, il est suspendu temporairement, David. T'as Ils l'ont raison. Je juste rectifie mon arrêté propos. pour l'instant, mais ils peuvent le réactiver en tout temps. Ouais, t'as raison. C'est C'est suspendu, oui. ça, c'est pas arrêté. Ils jouent ces mots, ils sont tellement vicieux, là. C'est suspendu. Comme ils se sont votés la loi, comment on appelle ça, les mesures La loi sanitaires. de la fin des mesures d'urgence, mais. Jusqu'en décembre 2022. Ouais, c'est ça, ils peuvent encore les appliquer jusqu'en décembre 2022. C'est ça. Qu'est-ce Hein? que vous croyez qu'ils vont faire après le 3 octobre s'ils sont encore élus? Ils vont nous recréer ça dans la marde. Le confinement, je sais pas, mais c'est sûr, c'est encore le masque. Là, tu sais, je vois plein de gens, depuis qu'ils en parlent, depuis une semaine et demie, 2 semaines, là, ils nous parlent de cas, puis ça revient, la 7e vague, etc. Ouais. Mais là, on voit plein de petits vieux avec des masques en face, plein de monde des masques en face. Ils recommencent à avoir peur. Pas autant qu'avant. Là, je vois qu'il y a beaucoup de résistance un peu. Les gens trouvent ça un peu bizarre. Mais il en reste quand même une grosse partie, je dirais au moins 30-40% de la population qui se promène avec des masques d'en face à 40 degrés à Montréal présentement. C'est assez idiot. Respire, hostie. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a ramené à l'ordre que, bon, la personne a porté le masque parce qu'elle a un membre de famille qui est immunosupprimé ou un problème de santé grave, là, il ne faudrait pas qu'elle y transmette. Fait que là, moi, par rapport au masque, ce que je dis. Là, arrête tout de suite, c'est pas vrai. La personne est très mal renseignée. Je vais t'expliquer, moi, quelque chose. Le petit masque bleu que vous portez dans votre visage, que j'appelle le mouchoir, il bloque 0,3 microns de grosseur. Le virus dont on parle, il est gros, puis ça, c'est scientifiquement prouvé, c'est pas moi qui l'invente. 0,6, entre 0,6 et 0,13, je sais pas pourquoi il y a autant de distance entre les deux, là, mais ce virus COVID qu'on parle, ou les SRAS, sont à grosseur de 0,6 à 0,13 microns. Ce qui fait que le virus, il passe dans votre masque de toute façon. Non, ça, je suis bien d'accord avec toi que le virus est plus petit. Quoi ça protège les gens de quoi que ce soit d'avoir ça dans la face, d'attraper le virus ou de le donner à quelqu'un? Ben, en fait, le point de la personne m'amenait, c'était pas par rapport au masque de procédure, mais tu disais le masque N95, qui, dans le fond, est un peu plus étanche. Par contre, c'est sûr que si on creuse, l'étanchéité est pas absolue non plus, là. Moi, il y a un médecin qui me dit, les masques de chirurgie, premièrement, là, ce qu'on fait avec nos masques, je ne sais pas si tu avais vu, là, je pense que ça a passé à un moment donné, il y a une femme qui avait un masque dans la face, puis elle mangeait, là, puis elle faisait, elle prenait une bouchée, puis elle se remettait le Ben masque. moi, j'ai vu une personne qui mangeait du pop-corn au cinéma. En fait, c'était un couple de personnes âgées. Quand j'ai été voir le film Jurassic Park cet Oui. été, puis eux autres, ils étaient au cinéma, puis je la regardais, puis ils prenaient des bouffées de pop-corn. Ensuite, ils remettaient le masque. Et remettre le masque. Oui, après ça, quelques minutes plus tard, ils reprennent du pop-corn, ils remettent le masque pour l'alternance entre les deux. Et voilà. No problemo, je suis protégé. Moi, je viens. Mais moi, je vois ça plein, moi, de gens qui se pognent le mal dans la face, qui s'arrangent, qui remontent, qui se disent What the fuck? Je suis désolée, j'ai pas le goût de vivre dans un hôpital à air ouvert. Oui. Si vous êtes malade, restez donc chez vous, Chris. Vous savez, le moment donné, vous êtes malade, restez chez vous. C'est tout. T'as une grippe, va te coucher, va dormir aussi. Ça aussi, c'est un aspect qu'on. Tu sais, je regardais ça dans mon studio. Les gens, là, de la vaccination, tout le monde, c'est bon, pas mal, tout le monde est vacciné, sauf quelques-uns. Puis, aussitôt qu'ils ont été deuxième dose, là, les gens sont arrêtés de laver les mains. Je suis obligée de rappeler aux gens, hey, le premier geste à poser contre les virus, c'est d'aller vous laver les mains. Voulez-vous aller vous les laver? Non, ça allait arrêter ça tout de suite après la vaccination. Mais avant la vaccination, ils se lavaient les mains 14 fois en ligne, puis ils se capotaient. Mais là, une fois vacciné, plus rien ne tient. Calisse! C'est que vous Ben m'énervez. ça, je m'attendais pas à ça dans notre vidéo d'aujourd'hui, de t'entendre faire la promotion de la mesure sanitaire du lavement des mains. Ben, c'est la meilleure mesure. Ben ça dépend, parce que si le virus est en arrêt au sol, ça bloque pas dans la transmission par rapport à l'oxygène. Ben ça, c'est approuvé. Là-dessus, il y en a qui disent que c'est pas vrai. Il y en a qui disent que c'est ça. Je ne sais plus quoi penser de ça. Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse des recherches sur aérosol ou pas. Non, c'est sûr que. Bien, en fait, le microbiologiste Stéphane Guy, il y a une chaîne sur Odyssey qui s'appelle Média Infocité. Il a fait plusieurs vidéos au fil des mois depuis le début de la crise. Et lui, depuis le départ, il disait que c'est un virus, de ce que je comprenais de son propos, aérosolisé. Puis il y en a d'autres aussi, lanceurs d'alerte. Puis lui, c'était comme il trouvait ça aberrant que Dr. Arruda, au début, avait dit « Lavez-vous les mains ». Puis son propos laissait entendre que c'était pas dans les airs que ça se transmettait, alors qu'en réalité, c'est essentiellement dans les airs, puis le risque de transmission par contamination d'objets est plutôt marginal, de ce que je comprends, là. C'est moins, là. Ben, sur les objets inertes, ça dure pas longtemps le virus, je sais ça, mais je sais pas, c'est parce qu'il y a tellement de contradictions. À un moment donné, c'était. Mais moi, je pense quand même que se laver les mains demeure une. Oui, mais oui, c'est pertinent de se laver les mains. Virus Par qu'on contre, débat. la façon que je vois ça, c'est de se laver les mains avec du savon, pas avec un gel qui va tout irriter la peau, là, ouais. C'est ça, se laver les mains, puis là, bref. Je suis pas capable de configurer que les gens vont penser vivre avec des masques en face pour la grippe. C'est pas demain matin que la grippe va disparaître, parce que rappelez-vous que c'est un SRAS-2. C'est une grippe, intense soit-elle. Mais une grippe, c'est intense. La plupart des gens ont des rhumes, mais une grippe, là, une vraie grippe de gars, on appelait ça une grippe d'homme dans le temps, là. Oui. Hein? Une grippe musculaire. T'es mort, c'est un bras pèse 3 tonnes, tu fais de la fièvre, il n'y a pas vraiment d'écoulement nasal, c'est une grosse fièvre, beaucoup de fatigue, puis le corps est épuisé, c'est lourd, tu passes 5-6 jours couché, c'est ça une grippe. Fait que là, on va commencer à capoter ces grippes parce qu'on est des chieux, puis si on vieillit, on a peur de crever, c'est ça? La Ben, population est vieillissante, Mona. Et elle a un poids important au niveau politique, c'est-à-dire que souvent les personnes âgées vont plus voter que les jeunes. Donc, dans un contexte pareil, un parti comme la CAQ risque, dans le fond, d'aller chercher une grande popularité puis adhésion de la population, mettant en place des mesures comme le port du masque par rapport à la population. Il y a des personnes âgées, puis bon, je comprends que quelqu'un qui vieillit puis son système immunitaire diminue, c'est normal qu'il ait plus peur, là. Oui, c'est normal d'avoir peur, mais c'est humain d'avoir peur. Mais c'est pas parce que tu as peur qu'il faut que je vive dans ta peur. Non, Puis c'est exactement, pas là. parce que tu as raison. Fait que, tu sais, c'est bien beau la peur, mais je l'ai dit, la guerre, elle se passe là, puis c'est la peur qu'il faut combattre. Parce que un système immunitaire, moi, j'ai 61 ans, j'ai rien, parce qu'il faut savoir entretenir notre système immunitaire. Quand est-ce qu'ils en parlent de ça? Jamais. Quand est-ce qu'ils vous disent que, tu sais, ils ont coupé tout ce qui nourrit le système immunitaire. Allez plus dehors, rentrez dans vos maisons, pas de sport, pas de balade, tu sais. Tout ça, c'est tout anti-système immunitaire. La seule chose qui font la promotion, c'est le vaccin. Là, c'est rendu que faire de l'exercice, c'est dangereux pour la santé. Lasser, c'est lasser, c'est dangereux pour la santé. Il y a Ben gang de là, malades. si la personne est injectée, c'est sûr qu'elle peut faire une biocarte si elle joue au baseball ou au basketball. Ou, tu sais, il y a des athlètes de haut niveau aussi aux Olympiques ils font des crises cardiaques. Puis là, il y en a plein de vidéos, puis il faut voir des montages. Puis tu sais, la personne, elle tombe, elle est en train de jouer au basketball, puis elle tombe par terre, puis... Ouais. On l'a vu à New York, là, il y a à peu près quoi, 2 mois ou 1 mois et demi, 2 mois, là, où il y a eu 14 personnes tombées dans le marathon de New York. Il y a quelques semaines, je pense à peu près 6, 7 semaines, il y a eu un marathon. Puis il y a 2 morts, 14, 14, sur 14 personnes qui sont tombées sans connaissance à terre, il y en a 2 qui sont morts. C'est toutes des vax. Ah. Je disais pas au début, là, ils ont été obligés de le dire, mener sa sortie. Ils étaient tous vaccinés, 14. C'est ça, je vous dis, ils nous mentent. Mais 14 personnes qui tombent. Là, ils ont dit, c'est parce qu'il faisait chaud. Ouais, il faisait très chaud, mais j'ai vu, oh, il fait chaud à chaque année, puis il n'y a jamais de mort demain. C'est pas d'hier qu'il y a le marathon de New York en juin où il fait 32 degrés, là. Ben non, là, d'un coup, cette année, c'est à cause de la chaleur. Voyons donc. 14 personnes. C'est du monde, là. Les sportifs tombent comme des mouches, t'as vu, là? Les vidéos qu'on voit, il y en a des gens qui ont répertorié toutes les morts dans le monde, des grands sportifs. Oui, puis ils font des synthèses en vidéo, là, tu sais, ils additionnent chacune des séquences avec des montages rapides, puis là, Oui. en tout cas, c'est aberrant qu'est-ce qui se passe, mais ça doit être le hasard, tu sais. Et Justin Bieber, si on veut parler de Meméring, là, qui se Oui. fait vacciner. Ah non, ça doit être parce qu'il y a une crampe faciale, ça aussi. Non, mais il faut voir les photos de Justin Oui, je Bieber. les ai vus. Puis, ah, ben, ça donne de même, tu sais. Il a pogné une crampe, les amis. Puis on parlera pas de Céline Dion qui est en train de mourir, hein? Oh, ça, j'ai pas suivi le dossier de cette chanteuse québécoise. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ben, elle était vaccinée, bien malade depuis ce temps-là, mais ils disent pas, ils disent c'est à cause de la scène sur laquelle elle était, puis elle a terminé une maladie, n'importe quoi. Elle est sous chantage, moi je suis sûr, mais ça je peux pas le prouver. Ça c'est moi, c'est quand je pose des questions, je me fais répondre, là, mais je peux pas le prouver. Fait que, Une mais elle est malade. chanteuse qui serait sous chantage. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, Depuis c'est... qu'elle a fréquenté du monde bizarre, hein. Oui. Je pense qu'elle s'est fait ramasser surtout. Puis là, je pense que si elle parle, ses enfants sont menacés. À 3 enfants, ce homme-là, là. Ils ont pas de morale, ces gens-là. N'oubliez pas que menacer les gens de les tuer, c'est pas un problème. Hein? Quand on pense que Mme Clinton a 98 morts, excusez-moi, il y a un message qui vient de popper, mais 98 morts autour de la famille de Mme Clinton, ça commence à faire du monde qui meurt proche, là. Je me tiens pas loin, moi, me tenir loin d'elle, moi. 97 personnes qui sont décédées autour d'elle. Dire que cette dame-là a failli être la première présidente des États-Unis dans l'histoire des États-Unis. Comme ça a été Barack Obama, le premier noir au pouvoir, puis ça va être le pire. Mais bref, pas parce qu'il est noir, ça n'a rien à Mais voir. moi, ce que j'annonce, là, c'est qu'éventuellement, il y aura peut-être un président des États-Unis transsexuel avec le lobby LGBTQ+, là. Oui, ils vont vouloir. Là-dessus, moi, je suis plus capable. Oui, mais la prochaine étape, c'est que là, on a des homosexuels qui se présentent en politique, puis c'est bien correct. Moi, regarde l'orientation de la personne, ça la concerne, mais la prochaine étape, c'est des transsexuels dans toutes les sphères de la société, dont éventuellement j'ai l'impression qu'on aura un président transsexuel aux États-Unis. Oui, tantôt on parlait des femmes dans le monde. Ça va être beau les transsexuels qui se transforment des hommes en femmes qui font des compétitions internationales. Les femmes n'auront plus grand-chose à. Blague. Mais je m'en fous, moi, de quel. Moi, ce débat-là, je veux rien savoir de ça parce que, excusez-moi, là, tu viens au monde avec un pénis ou un vagin, puis le reste, je m'en calisse. Ah, ben, il y a des hermaphrodites qui existent aussi. Ben oui, mais je m'en montre un hermaphrodite. Là, c'est un cas sur 3 milliards. Là. C'est plutôt. C'est statistiquement rare, mais le point, c'est que c'est un mouvement social. Je m'attendais pas à ça, puis. Dans les dernières années, mais on voit de plus en plus de gens au niveau public, là, tu sais, qui s'affichent là, comme transgenre, non-binaire. Ouais. Non-binaire, binaire, triple binaire, je m'en sac. Moi, j'ai des amis homosexuels depuis 30 ans, là, puis je vais vous raconter quelque chose. Ils n'ont jamais été autant ostracisés que depuis cette année. Comment ça? Ils se font traiter de tapette. Il y a même des jeunes qui les agressent dans le parc La Fontaine. Ils m'ont conté ça la semaine passée. Des jeunes de 16-17 ans qui ils se promènent. Puis Luc tenait le bras de son ami. Puis êtes-vous tapette? Puis en passant, c'était pas des Québécois d'origine. Oh. Hein, je le dis, moi, j'ai pas de gêne. Parce que je sais de quoi je parle. Puis là, parce que Luc est un peu naïf. Ne donne pas de nom, mon nom. Ben, personne en tout cas, il ne faut pas que ce soit des gens reconnaissables. Là. Moi, je veux que les gens, on préserve leur anonymat là, ici. Là, pour pas. Non, mais c'est, vous ne le connaissez pas, il n'est pas okay. Dans votre environnement. Mais bon, je ne le nommerai plus, ça a du sens ce que tu dis. Alors, mon ami lui répond, oui. Fait qu'ils ont eu droit à toutes sortes d'insultes. Puis là, il était un peu fâché. Puis là, bon, mon ami... Il a dit, viens-t'en, on s'en va. Mais il dit, je parlais avec eux, puis il dit, moi, j'ai jamais eu autant d'agressions depuis qu'on parle d'homosexualité, puis qu'on n'arrête pas de parler des homosexuels, puis des transgenres, puis tout ça. Fait que c'est assez étrange, hein? On veut d'un bord dire, on veut ouvrir ça, mais en fait, ça fait ressortir autre chose. Tu sais, excusez-moi, les amis, mais je vous dis quelque chose. 2 milliards, 1,5 milliard de musulmans, ils ont de la misère avec l'homosexualité. Que pensez-vous qu'ils vont faire avec les BLT, BLGT, puis bipolaire, puis bonheur, puis je sais plus quoi, là? Ben, c'est ça, les lettres augmentent. Au début, c'est LGBTQ, là, c'est queer. Ensuite, c'est quoi, trans, puis là, il y a le plus. Le plus, je sais pas, c'est parce que c'est un extra, là, mais... Mais les gens s'ennuient sérieusement, hein? Si tu veux mon avis, là... Mais c'est un phénomène social que, dans le fond, moi, je m'attendais pas à que ça prenne cette ampleur-là. Tu sais, tu regardes à TV où il y en a de plus en plus. Mais moi, dans le fond, la question de l'orientation sexuelle ou de l'identité sexuelle, bon, ça appartient à chacun. Là. Pour moi, tu sais... L'éducation sexuelle appartient aux parents et non aux écoles, en passant. En passant. Mais si les parents font pas leur travail, à mon avis, il vaut mieux que l'école compense qu'il n'y ait rien du tout. Oui, bien, venez pas vous plaindre après que l'école vous bourre le cerveau de vos enfants de n'importe quelle connerie. Parce que c'est ça qui se passe. Et ça, les gens délèguent leurs enfants en garderie puis aux écoles, mais qu'est-ce qu'on leur enseigne? Je suis pas sûre qu'on leur enseigne grand-chose à part des conneries. Parce qu'ils savent même plus lire, ni écrire, ni compter, mais ils savent que c'est quoi l'homosexualité, les transgenres, puis qu'ils vont... On voit des... Comment ça s'appelle c'est-tu transgenre, non? Les gens qui se déguisent en femmes, les homosexuels. Oui, ben les drag queens. Les drag queens, là, qui enseignent à des enfants de 7-8 ans la sexualité de drag queen. Excusez-moi, là, Chris, c'est quoi l'idée? Ben, il y a une émission à Radio-Canada, une drag queen va raconter des histoires à des enfants. C'est ça. Enfin, c'est ici, mais aux États-Unis, ils parlent de sexualité aux enfants. Ici, c'est on te raconte des petites histoires avec une drag queen. Excusez-moi, une drag queen, ça n'a pas d'affaire là. Fuck! Ben beau avoir l'esprit ouvert, mais faut pas être idiot. Ben, c'est pour créer le consentement social en mettant des drag queens un peu partout dans les publicités, aussi à la télévision. C'est de normaliser le phénomène aux yeux de la population, les petits pas progressivement. Ouais. C'est ça. Ouais, mais c'est ça que je dis. Rendu là, ça peut, à un moment donné, il va falloir s'occuper de nos enfants et arrêter de déléguer à tout le monde. Hein. Sinon, faites-en pas, c'est pas plus compliqué. Là, t'sais. Si on n'est plus capable de s'occuper de nos enfants au niveau éducationnel, je parlais de ça, une dame, moi j'ai vendu ma maison, je pense que je parlais avec la nouvelle propriétaire qui sont deux, un couple, puis ils ont deux enfants, puis j'ai perdu le fil. Ben, c'est-à-dire qu'on si on n'est plus capable de s'occuper de nos enfants, on a une crise de problème. Ils sont pas capables de. Ils sont tellement dans la forme, engagés dans la forme, ils viennent d'acheter. Tu sais, c'est des gens qui veulent faire du cash, là, puis faire, acheter des immeubles, puis ils travaillent fort, puis c'est deux ingénieurs, puis ça travaille. Mais deux enfants, ils sont pas. Tu sais, je parlais de vaccination, tout ça, jusqu'à c'est quoi votre position, parce qu'ils sont d'accord qu'on se fait manipuler. Mais elle me répond, on n'a pas le choix. J'ai dit, pardon? Elle dit, bien, on n'a pas le choix parce que nous, il faut payer nos comptes. Mais j'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les maisons que vous achetez non plus. C'est un choix à un moment donné qu'il faut faire, entre guillemets. Tu peux pas avoir le pain puis le beurre puis tout en même temps si t'es pas milliardaire, là. Tu sais, il y a quelque chose qu'il faut prendre comme choix. Moi, quand j'ai pris la décision de vivre simplement il y a 40 ans, bien, j'ai toujours vécu simplement. Mais j'ai toujours été libre de quitter mes emplois, par exemple, quand j'étais plus bien. J'ai eu deux gars à ma charge, là, je n'étais pas mal pris d'arrêter de travailler 3 mois. Si j'avais été obligée de quitter un emploi, j'aurais pu. J'ai toujours compris qu'il fallait que je sois libre. J'ai toujours compris ça. Je veux pas dépendre de personne, mais les gens ne pensent pas comme ça. Puis là, ils se font des enfants, puis ils se retrouvent pris dans un engrenage. Mais cet engrenage-là, là, tu peux débarquer, c'est ça que j'ai dit. Je dis, vous pouvez débarquer. Ah ouais, mais on ne pourra plus payer nos factures. Mais vends tout ce que tu as, puis crisse des câlisses, puis sauve tes enfants. Non! Ils sauvent leur monnaie, leurs argent, mais pas leurs enfants. Ça parle de leurs valeurs puis de leurs priorités. Ouais. Fait que leur priorité, c'est l'argent. Colline, pas drôle. Quelle tristesse. C'est plate, l'argent, les amis. C'est bien beau de l'argent, mais c'est un moyen. Ça ne rend pas heureux, ça, là. Enfin, bref, moi, j'ai bien plus aimé. C'est pour ça que je trouvais que c'est le fun que tu vas être père bientôt, parce que j'ai trouvé ça tellement agréable d'être parent. C'est sûr que c'est une grande responsabilité. Mais c'est tellement instructif. Nos enfants peuvent nous instruire aussi, si on a des oreilles pour les entendre. Ça corrige nos petits égos, puis ça nous fait face à nos peurs, puis ça nous confronte. Puis s'ils sont éduqués à échanger avec toi, là, tu t'éduques ta fille à échanger, à communiquer, puis comme je suis sûr que vous Oui, allez le faire. ben en fait, ce que je peux mentionner aux gens, c'est parce qu'en préparation à l'enregistrement, étant donné que j'ai fait un test puis j'ai eu le résultat par rapport au sexe de l'enfant, bon, j'ai appris que j'allais avoir une fille avec ma compagne, parce qu'aujourd'hui, la science est tellement développée qu'à partir d'une simple prise de sang, on peut détecter si la personne a la trisomie 20, l'enfant à venir a la trisomie 21, mais c'est aussi le sexe du bébé Ah, ça, je qui, savais oui, c'est à partir d'une prise de sang qu'on a eu l'information. pas. C'est sûr que lorsque je vais avoir une prochaine échographie, puis dans les derniers mois, là, le sexe, on va le voir clairement là, sur les échographies, là. Mais avec ce qu'on va appeler l'ADN fœtal du fœtus par rapport au test, mais on peut avoir accès à ce type d'information-là. Savais pas. Ça prend quelque chose. C'est bien, ça a bien changé. Avant, il fallait attendre l'échographie pour voir le sexe de l'enfant, puis s'il était du bon bord ou pas, ça dépendait. Non, non, mais c'est ça, mais c'est sûr qu'on va valider aussi avec l'échographie. On se fie pas juste à ce test-là. Mais la science, c'est ça, est de plus en plus poussée. Moi, j'ai été agréablement surpris quand il y a eu l'échographie parce que la qualité de la résolution de l'image sur le plan numérique, tu sais, était très bonne, là. Ça a changé beaucoup, c'est bien. C'est ça, c'est bien. Ça m'intéresse. La technologie peut servir l'humain, effectivement, puis ça peut aller plus loin. Mais il faut que ce soit pour servir l'humain et non pour l'esclavager. Non, exactement, mais en lien avec ce que tu disais, c'est sûr que mon intention, mais on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut dans la vie, mais c'est sûr que mon intention, c'est d'élever mon enfant dans le respect, puis être capable d'être à son écoute, puis de répondre adéquatement à ses besoins. Ça, c'est en théorie. Par contre, en pratique, tout dépendant du contexte, puis les revirements de situation spectaculaires qu'on peut assister, ben c'est sûr que honnêtement, j'espère qu'on ne se ramassera pas tantôt en Chinada, un peu comme les gens en Chine. Qui se sont fait retirer les enfants parce que on disait ah, ils sont atteints de COVID à Shanghai. Ouais, j'ai vu ça. terrible. Ça va loin, là. Je ne sais pas si les gens réalisent que la politique zéro va amener à ce qu'un enfant soit retiré de sa famille sous prétexte qu'il est atteint de COVID. Imaginez la portée du traumatisme de l'enfant. Mettons, tu as un enfant de 5-6 ans, tu l'enlèves de la famille pendant 2 semaines. Comment que cet enfant-là risque de souffrir? Il va peut-être vivre un état dépressif, il va peut-être être carencé pour les prochaines années là, au niveau affectif, où il va rester traumatisé. Là. On ne parle pas de la douleur des parents là-dedans non plus, parce qu'il y a des parents qui tiennent quand même à leurs enfants et qui ne veulent pas qu'ils partent. Fait que, en tout cas. Ben, c'est ça. Moi, si j'ai une fille, en théorie, puis admettons, elle attrape la COVID, je ne voudrais pas que dans quelques mois ou quelques années, elle soit mise en unité de détention COVID. Là. Tabarnouche, non. C'est ça, là. Contre mon gré, parce que là, le primauté parentale, dans le fond, on veut l'enlever et réduire au maximum les droits des parents. Fait que là, c'est sûr que ça m'inquiète, ce genre de choses-là. C'est sûr que... Ça t'impliquera. Oui, mais... Ça t'impliquera dans... Ben non, mais c'est un... Dans le sens, je crois qu'il faut s'impliquer selon nos besoins. Comme toi, c'est un enfant, la primauté parentale, ça devient intéressant là, de regarder ça, parce qu'effectivement, c'est un méchant problème, ça, là. Parce qu'ils vont avoir le droit de vacciner les enfants, puis les enfants à bas âge, comme vous n'aurez plus aucun mot à dire là-dessus, sur n'importe quel traitement, là. Puis plus tard, je pense qu'ils ont défini qu'à 14 ans, ils pouvaient décider de se faire vacciner sans l'autorisation des parents, mais il n'est pas foutu d'avoir le droit d'aller prendre un coup d'un bar avant 18, par exemple. Mmh. Puis 21 si aux États-Unis. Comme si un enfant de 14 ans savait les impacts d'une vaccination. Allô? Allô? Mais bon. Ils ont de la misère ça, à savoir la droite pas gauche, puis ils sont dans la branlette par-dessus la tête, mais ils sont capables de décider c'est quoi de se faire vacciner, puis connaître les impacts de ça. Voyons donc. Mais c'est ça qui est en train de passer. Là. Je pense que c'est 14 ans qu'ils vont essayer de laisser passer l'idée qu'ils peuvent se faire vacciner sans l'autorisation des parents. Oui, avec le consentement. Pour moi, c'est sûr que c'est une aberration. Mais c'est toutes des aberrations ce qu'ils nous proposent. C'est toujours mortifère, les hosties de propositions. Ça finit toujours mal, le calice de crise de cochonnerie. Peu importe la cochonnerie, ça finit mal. Et que le but, c'est pas de garder le monde en vie, hein, puis c'est de nous esclavager. En tout cas, on s'arrête là, mais c'est toujours un peu la même toune. Non, mais c'est ça, il va falloir compléter l'enregistrement. Oui. Donc, à ce moment-là, ben, je voulais quand même laisser avec un mot de la fin, si tu avais quelque chose à rajouter. Oui, j'ai un mot à rajouter. Oui. Les gens qui nous écoutent, si vous trouvez ça intéressant, voulez-vous nous envoyer des questions? C'est ça mon mot de la fin. Parce que j'aimerais ça, moi, ça serait le fun en live, parce que j'aimerais ça des questions. Qu'est-ce que vous avez comme question? Avez-vous des positions aussi à explorer? Tu sais, je sais pas, moi, jusque vous, avez-vous une opinion, une perception de quelque chose, l'exprimer, puis qu'on puisse élaborer, ça peut aider à développer, parce que tu le sais comment ça marche, tu sais, c'est en parlant avec... Tranquillement, on amène, il y a ça qu'on n'avait pas vu, t'amènes ça, j'amène ça, Puis là, ben oui, ben c'est sûr que la dynamique de l'échange peut nous amener à bénéficier d'intelligence des auditrices et auditeurs par rapport à certains sujets. Oui, oui. Contribuer, si vous voulez, en tout cas, moi, ça me ferait plaisir de répondre éventuellement si vous envoyez des questions à David, dire « J'aimerais ça que tu poses ça à Mona », ben il me rappellera que on le fera ensemble, ça va me faire vraiment plaisir. Parce que parler tout seul sur le contact, je suis capable tout seul, mais j'ai de moins en moins à dire, dans le sens que je suis dans mes affaires. Fait que, ben, moins en moins à dire, ça fait au-dessus de 2 heures qu'on parle. Je trouve pas que j'ai amené grand-chose de nouveau. Pour moi, tout est dit, là, tu sais. C'est-à-dire qu'on a exploré pour la première fois le sujet de l'avortement en début d'enregistrement. Oui. Donc, il y a quand même certains éléments, mais je suis d'accord avec toi pour dire que les auditrices et auditeurs peuvent, à partir de leurs considérations, de leurs questions, de leurs propos, nous amener plus loin par rapport à certains sujets, nous amener à faire des prises de conscience pour hausser la vibration. Puis de ne pas hésiter à mettre votre ressenti. Des fois, les gens me disent « je n'ai pas de questions, j'ai juste une perception. Allez-y, puis on peut en parler de la perception. Peut-être qu'on va être... Je vais dire « ah, ça... » Je vous blasterai pas, promis. Quand je traite les gens d'idiots, je parle pas des gens qui pour moi, quand je dis d'idiots, c'est pas gentil, mais je les appelle les braves idiots. C'est des gens naïfs, qui croient la vie, la télévision, qui pensent qu'il y a un côté très naïf chez beaucoup de gens. Ça, moi, ça m'intéresse moins, mais si on parle de gens, moi, il me semble qu'on s'adresse à une plateforme un peu différente, ben, ça peut être intéressant qu'on construise à partir de voix d'une position que quelqu'un exprime. Ben, moi, mettons, je suis pour l'avortement, telle affaire. Ben, on va l'explorer, puis peut-être dire, je suis d'accord avec ça pour telle raison, puis là, on peut explorer, puis ça peut être nous nourrir, nous aussi, c'est ça que je veux dire. C'est un échange. Alors, voilà, c'était ce que je pourrais dire de mieux juste ce soir. Bon, ben écoute, c'est excellent. Et en terminant, je rappelle aux gens qui nous écoutent que mon nom, donne des cours de yoga et de pilates thérapeutique et possibilité même de la consulter pour une consultation privée sur Internet en psychologie évolutionnaire. Donc, c'est possible et vous allez avoir à ce sujet les coordonnées en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qui termine maintenant. Donc, écoutez, tout le monde et mon nom, à bientôt. À bientôt, merci tout le monde.